Stephen King aime les losers, Stephen King aime les tortues, Stephen King a écrit ça, et Tommy Lee Wallace l'a adapté. Tous et à toutes, et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Bonjour Chris. Salut. Ça va toujours ? Ça va toujours. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une adaptation un peu culte, d'un roman très culte, puisqu'il s'agit du téléfilm Ça, diffusé en deux parties les 18 et 20 novembre 1990 sur ABC, réalisé par Tommy Lee Wallace, depuis ressorti régulièrement en DVD, des fois en réunissant les deux parties en un seul téléfilm. Le roman Ça, nous en avons déjà parlé dans un précédent épisode quand nous avions traité de l'adaptation d'Andy Muschietti, donc pour tout ce qui concerne le roman et notre avis dessus, bah, je vous y renvoie, mais c'est un roman qu'on a adoré. Il est à quelle place ? Il n'est pas premier, il est troisième, je crois. Il est troisième, il me semble. Derrière, il est... Derrière Sekdos et Cimetière. Si tu me laisses deux petites secondes, je peux te répondre. Il est troisième. Sekdos et Cimetière étant les deux premiers. Voilà. L'adaptation nous a moins convaincus, surtout sa deuxième partie. Oui. Mais nous allons voir ce que vaut cette adaptation qui était la première en réalité. Oui. Nous allons spoiler l'adaptation et donc par la force des choses aussi le roman. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite. On a déjà spoilé en long et en large. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, des fois que vous ayez loupé l'autre épisode et que vous n'ayez toujours pas lu, voilà. Mais bon. On sait que c'est ça. Allons-y. Allons-y. On va parler de quoi ? J'en ai marre, j'en ai déjà marre. Il y a 30 ans, Stephen King imaginait un personnage culte. Il est revenu. C'est une espèce de monstre. Vous ne regarderez plus jamais les clowns de la même manière. Faut avoir peur. Ça, il est revenu. Mercredi, à partir de 20h55 sur Énergie 12. Le projet d'adaptation démarre avant la publication du livre, puisque les droits sont achetés par les producteurs Frank Koenigsberg et Larry Sanitsky dès 1986, déjà avec ABC dans la boucle à ce moment-là. À l'époque, la seule adaptation télévisuelle qu'on avait eue de King, c'était Les Vampires de Salem de Tobe Hooper, qui avait été un gros succès sur CBS. Mais King restait très sceptique en fait concernant l'idée de faire une adaptation de son œuvre à la télé, en fait l'idée de faire de l'horreur à la télé avec toutes les limitations que ça impliquait en termes de budget, en termes de censure, en termes de tout. On suppose que c'est l'adaptation d'une autre œuvre de King avec des enfants qui date de 86 qui a poussé ABC à vouloir lancer le projet Ça. Est-ce que tu vois ce qu'on a pu avoir comme adaptation d'un King avec des enfants en 86 ? Stand by Me ? Ouais, voilà. Qui avait été un assez gros succès. De et peut-être. De Reiner, non ? De Rob Reiner. Et peut-être que le succès du Cimetière de Marie Lambert en 89 a pu donner un coup de boost à la production de Ça, même si c'était déjà largement en développement à cette époque. Au moment où Ça est diffusé, il y avait pas mal de séries qui commençaient à tester des trucs autour de l'horreur à la télévision. C'était plus ou moins les débuts des Contes de la Crypte depuis 89. Twin Peaks s'est diffusé sur ABC aussi à partir, en avril 90. D'ailleurs, dans le commentaire audio, plusieurs membres de l'équipe disent qu'ils pensaient beaucoup à Twin Peaks en préparant ça, mais niveau date, ça me paraît quand même très juste, parce que c'était pas encore diffusé, je pense, quand ils faisaient le tournage et compagnie, donc je ne sais pas trop. Twin Peaks, c'est quoi? C'est le milieu des années 90? C'est avril 90. Ah, et non, ça, il est diffusé en novembre. Ouais. Donc, ça me paraît juste quand même que tout le tournage de ça se soit fait après la diffusion de Twin Peaks. Ah oui, c'est bizarre. Niveau temps de production, je pense que c'est un peu rapide. Le scénariste choisi au départ, en fait, dès 86, c'est Lawrence D. Cohen, donc le scénariste de Carrie, de Brian De Palma, et qui reviendra sur le Carrie de 2013, et qui est aussi sur les Tommyknockers, et sur un épisode de Rêve et Cauchemar. Son agent le prévient avant de lui envoyer le roman, donc même pas, en fait, le manuscrit du roman, même pas une version publiée, que c'est quelque chose de très long. Et dès la première centaine de pages qu'il lit, apparemment, il dit tout de suite « Ouais, je veux adapter ce truc-là, il y a de quoi faire quelque chose de super. » King, lui, n'a jamais été impliqué de manière directe sur la production. Par exemple, il rencontrera jamais Tommy Lee Wallace, même s'il aura des échanges par mail, notamment avec les différents scénaristes, pour les encourager, pour dire qu'il était d'accord avec certains changements, avec certaines suppressions, forcément, on va y revenir. Donc, il avait un regard, mais pas plus d'implication que ça. D'accord. En fait, ce que dit Larry Cohen, c'est qu'il pensait que King, en fait, leur faisait confiance, parce que bah, lui avait déjà scénarisé Carrie. Et on verra, le réalisateur prévu à la base, lui aussi, était quelqu'un en qui King avait confiance, puisqu'il s'agissait de George Romero, à l'origine. Ah ouais? Ouais. Ça, je ne savais pas, je l'ignorais. C'était un projet beaucoup plus ambitieux, en fait, à l'origine, ça. C'est... voilà, il fallait la faire hein, c'est, de toute façon je pense. Voilà, comme ça c'est exorcisé. Au départ, en fait, Romero va même travailler un moment là-dessus, il va prendre beaucoup de notes, il va beaucoup y réfléchir, et c'était une série de 8 voire 10 heures qui était envisagée. Enfin, 4 ou 5 créneaux de 2 heures, mais à chaque fois avec les pubs, donc ça aurait plutôt été 6-8 heures en enlevant les coupures pubs, mais c'était quand même largement plus que ce que ça a été au final. Et donc du coup ça aurait été plutôt 4 téléfilms, voire 5 plutôt. Ouais, c'est ça, 4 ou 5 fois 1 heure et demie. À propos du travail d'adaptation, Larry Cohen dit que pour la première partie, ça a tombé très bien, parce que le livre a 7 personnages principaux. Or, 7, c'est le nombre d'actes que contient un programme télévisuel de cette durée avec les différentes coupures pubs aux États-Unis. Mmh. Il y a 6 coupures pubs, donc le téléfilm est divisé en 7 parties, ce qui permettait de consacrer une partie à chaque personnage. Tommy Lee Wallace resignalera ça, et c'est effectivement la structure de la première partie. Il propose déjà, donc Larry Cohen et Romero proposent déjà un traitement de 10 heures. ABC dit bon, on va passer à seulement 4 téléfilms, on va passer à donc 8 heures. Et puis ABC dit bon, peut-être que 6 heures ce sera que ça, ce sera bien 6 heures. Et c'est à ce moment-là que Romero se barre. Il se dit ok, c'est bon, on va me demander de faire trop vite, on va me demander de tout aseptiser, j'ai autre chose à faire de ma vie, j'y vais. Il a raison. Et c'est quand ça passe à 2 téléfilms, donc à 4 heures, c'est la durée actuelle, donc en réalité 3 heures en enlevant les pubs, que même les deux producteurs d'origine vont partir, et que Larry Cohen, il a beaucoup travaillé dessus, mais lui-même dira qu'à partir de là, il n'était plus dans un état de motivation extrême. Il trouvait que ça c'était beaucoup, moins intéressant que ce qui était prévu à l'origine. En plus, il y a des disputes autour du budget, évidemment. D'après Cohen, les interdictions posées par ABC, c'était par exemple, entre autres, de montrer un enfant dans un danger trop grand ou un enfant blessé, donc ce qui est quand même emmerdant pour adapter ça. Donc il a dû trouver différentes techniques, et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne voit pas Georgie se faire arracher le bras au début, et que c'est juste signalé par un autre personnage après. C'est pour ça que Muccetti s'est lâché après. Voilà, c'est ça. Et évidemment, dès les tout premiers traitements, de toute façon, la scène de sexe est en bleu. Oui, mais ça, j'ai envie de te dire, heureusement. Ça, oui, non, mais de toute façon, tout le monde était plutôt d'accord pour qu'elles soient enlevées, tout le monde sera plutôt soulagé, à part une personne, on y reviendra. King ? Non, tu... Même lui, Non, tu verras, c'est assez surprenant. D'accord. Bon, bah du coup, Romero se barre et on cherche un autre réalisateur, et c'est Tommy Lee Wallace qui va récupérer ça. Donc Tommy Lee Wallace, il a un début de carrière plutôt pas mal, parce que c'est un ami d'enfance de Carpenter, en fait. Et donc il a collaboré à plusieurs postes sur plusieurs de ses premiers films, sur Dark Star, Assault, Halloween, The Fog ou Jack Burton, par exemple, c'est lui qui fabrique le masque de Myers. Ouais. Et il le porte dans une scène, la scène du placard, c'est lui qui le porte aussi. Un masque de Myers qui est fait selon un masque de... Ah merde, cet acteur de Star Trek... Oui. Son nom m'échappe. Voilà. Oui, souvent, mais voilà. Toujours, mais voilà. Mm. L'acteur... C'est l'anecdote vachement intéressante. Hein. Le masque de Michael Myers, il est fait selon un acteur dont on a oublié. Selon l'acteur qui joue Kirk dans Star voilà, Trek. Voilà, c'est ça. Carpenter, en fait, avait déjà proposé à Tommy Lee Wallace de réaliser Halloween 2, mais il n'avait pas tellement aimé le scénario, donc il avait refusé. Par contre, c'est lui qui scénarise et réalise Halloween 3, qui est le Halloween qui n'a aucun rapport avec le reste de la saga, vu qu'à l'époque, le projet, c'était de faire une anthologie horrifique à travers les Halloween, en changeant de sujet à chaque fois, mais ça se passe toujours à la période d'Halloween. C'est comme le 3 a pas marché. Alors que c'est un très bon film. Ouais. Ils sont revenus après Michael Myers, mais lui, Halloween 3, c'est très bien, le sang du sorcier, qui est une histoire de masque de citrouille qui prennent possession des enfants. Pour en faire des sacrifices. Ouais, pour en faire des sacrifices, c'est un film très sympa. Ben oui, et plein de. Et encore aujourd'hui, hein, c'est un film qui est beaucoup décrié. Alors que bah non, je suis désolé, c'est un film à chaque fois que je le vois, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le regarder. Hein. Ouais, moi aussi, j'aime vraiment bien Halloween 3. C'est vraiment un chouette film et pour le coup. Il est bien réalisé. Alors après. Ce qu'on pense des autres films de la saga, mais pour le coup, faire un film d'horreur qui sortirait le jour d'Halloween, enfin aux alentours d'Halloween, en faire une série d'anthologie, c'était pas une idée à la con. Bah, je trouve l'idée très bonne, hein. Ah, oui. Ce serait à reprendre aujourd'hui, il y aurait peut-être moyen dans un truc totalement distinct d'Halloween, parce que maintenant Halloween on peut plus le séparer de Michael Myers, c'est fini. C'est beaucoup trop. Mais c'est un concept qui serait réutilisable en prenant à chaque fois des réalisateurs peut-être débutants. Pour qu'ils tentent des trucs audacieux, il y a de quoi faire. Et oui, et vraiment, si vous n'avez pas vu, pour cette raison-là, pour l'abattage qu'il a connu, si vous n'avez pas vu Halloween 3, allez-y. Hein. Et Carpenter reste dessus à la BO, et la BO est vraiment très bien. Et puis même lui, d'ailleurs, il me semble qu'il l'apprécie plutôt, Carpenter. Ah oui, je crois que Carpenter, il a toujours plutôt défendu Halloween 3. Hein. Après, il va avoir une carrière qui est peut-être un peu moins intéressante. Alors en réalité, j'en ai pas vu grand-chose, mais par exemple, c'est lui qui fait Amityville 2. J'ai vu aucun d'Amityville. Même le premier n'est pas un film extraordinaire, disons qu'il a vieilli, mais c'est pas une purge infâme. Par contre, vraiment, la série, la saga Amityville chute très très rapidement quand même en termes de qualité. Le genre de truc que je chopperais peut-être dans un truc cash. Dans un cash, voilà. Il faut faire un pack de ouais. 5 balles. 5 balles tous les Amityville, des racines, ça s'il vous plaît. C'est lui qui réalise aussi Vampire, vous avez dit Vampire 2. Bon, il réalise aussi. Bien, mais bon, ouais. Il réalise aussi Vampire 2, donc la suite du Carpenter. Que je n'ai pas vu par contre. Moi non plus. Il y a même eu un troisième, que je n'ai pas vu non plus. Et il réalise aussi beaucoup de téléfilms, pas forcément horrifiques, hein, il y a pas mal de trucs qui ont l'air juste de drames romantiques chiants. Mais voilà. Et en interview, il a dit que s'il avait dû adapter d'autres King, ceux qui l'auraient intéressé seraient été Charlie et Cœur perdu en Atlantide. D'accord, ça a déjà été fait. Ouais. Il retouche le scénario de Larry Cohen. En fait, apparemment, il aime beaucoup ce qu'avait fait Larry Cohen sur la première partie, et cette partie-là, il l'a quasiment pas remanié, il n'a quasiment rien changé. Mais par contre, il trouvait la deuxième partie de Larry Cohen beaucoup plus faible. Alors, il propose dans un premier temps à Larry Cohen de faire lui-même les corrections, mais comme on a dit, déjà, il était plus trop motivé après tout le départ de plein de collaborateurs. Et de toute façon, il était engagé sur d'autres trucs, donc c'est Tommy Lee Wallace qui va faire lui-même les corrections. En fait, Cohen, à la base, il avait prévu quelque chose de beaucoup plus sobre et intimiste pour la deuxième partie. Il avait enlevé la confrontation mystique avec ça, bon, ça restera évacué. L'idée de l'araignée, il l'avait virée aussi, et il s'était concentré, visiblement, sur un affrontement avec le mari de Beverly, qui serait revenu et qui aurait été l'incarnation de... Enfin, Grimsou aurait pris... Enfin, ça aurait pris possession de lui... Et ça aurait tourné autour de ça. Bon, je sais pas si c'était une bonne idée. Ouais, pourquoi pas, à voir. Voilà. Il aurait manipulé comme il manipule en fait d'autres personnes. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a hein, le mari de Beverly, de toute façon, dans le roman. Oui. C'est juste que c'est pas la seule menace, mais voilà, il y est. Dans le roman, il la poursuit, oui, clairement. Tommy Lee Wallace va réintroduire pas mal de trucs du roman, il va réintroduire l'araignée, donc, et il va réintroduire aussi tout le thème des rites d'enfance qui est présent dans le livre, là, avec le bateau, avec le spray, avec le barrage, le barrage, le truc pour l'asthme, etc. Bon, le combat mystique, ça reste supprimé parce que Bah, et sans un bon budget, c'est inadaptable, ça. Donc voilà. Et ça mérite surtout une énorme mise en place, quand même. En plus, ça mérite plus de temps de mise en place. Le rituel de Shod, donc. C'est de ça qu'il est question, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Il va aussi réarranger la narration, rajouter la voix off de Mike pour tenter de rendre le tout un peu plus fluide. Dans une deuxième partie, il dit que même aujourd'hui, il trouve que la deuxième partie, elle est inférieure à la première. Qu'il la trouve largement moins bonne. Il dit qu'un autre scénariste aurait peut-être pu faire quelque chose de mieux, mais que bah, là, il n'y avait pas le temps. Ça fait un peu dans l'urgence. Et... Oh, je suis d'accord. Et c'est ce que c'est. Oui, je suis d'accord aussi. Alors, un peu étrangement, il dit que lui-même, quand il a lu le roman, il avait été déçu par la présence de l'araignée. Bah, et du coup, c'était peut-être... fallait peut-être pas la mettre. Ah oui, voilà. Enfin bon, voilà. Voilà. Peut-être une demande de la chaîne. Il a essayé d'alterner les moments joyeux et sombres pour que l'horreur arrive de manière plus inattendue. La scène qu'il regrette vraiment d'avoir supprimée, c'est la scène du frigo, où le frigo tue Patrick Skettir. Donc un des membres de la bande de Henry avec les oiseaux morts dans le frigo. Ah oui, je me souviens plus. J'ai trouvé que c'était une scène très efficace, mais il n'y avait pas du tout le temps pour mettre ça. Bah pour le coup, la scène dans le roman m'a pas tellement marqué, puisque là je m'en souvenais plus comme ça. Bah c'est vrai qu'elle est... elle peut donner quelque chose visuellement comme scène, hein, je pense. Dans cette adaptation-là, contrairement à celle de 2017, les acteurs adultes sont choisis avant les enfants, et donc on prend des enfants qui ressemblent un peu à leur modèle. Ce qui est logique, en fait. Ouais. Et donc nous allons passer au casting, en commençant par Bill LeBeg, qui, en adulte, est joué par Richard Thomas, un acteur qui a été actif depuis une vingtaine d'années à la télévision. Rôle principal d'un téléfilm apparemment de bonne qualité, d'adaptation d'Al West, rien de nouveau. Et sinon, il est dans des séries comme The Waltons et La Famille des Collines, dans les années 80, je crois. D'accord. Et au cinéma, il a eu un rôle secondaire dans le très très bon Wonder Boys, de Curtis Hanson, avec Michael Douglas et... Spider-Man. Tobey Maguire. Ouais, Tobey Maguire. Et Cathy Holmes aussi, c'est une très bonne petite comédie, ça. D'accord. Si tu l'as pas vu. Mais du coup, tu m'apprends qu'il y avait déjà eu une adaptation d'Al West en un nouveau. Je crois même qu'il y en avait plusieurs. Ah ouais. Ouais. Au moins deux ou trois. Donc, qui a été adapté par Netflix il y a très peu de temps. Oui. Oui, qui vient de gagner l'Oscar meilleure adaptation et meilleure photo, je crois. Et meilleure musique. Je crois qu'il y a ces trois-là. C'est ça ? Dans meilleur film en langue étrangère. Ah bah photo. Coup, oui. Meilleur film en langue étrangère, meilleure photo, meilleur scénario adapté. Oui voilà, oui c'est ça, oui voilà. Oui. C'était le meilleur film en langue étrangère que tu avais oublié. Ouais. Que je n'ai pas vu encore, pour le coup. Alors que c'est un film de guerre, c'est un genre que j'apprécie plutôt. Ouais, tandis que moi c'est pas mon favori. Non. Mais je le regarderai, je pense. Et on reverra cet acteur aussi dans un des épisodes de Rêves et Cauchemars. Je crois que c'est Salle d'autopsie 4, qui est une très chouette nouvelle. Qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Et Bill Enfant est joué par Jonathan Brandis, qui avait déjà joué dans pas mal d'épisodes de série malgré son jeune âge. Et c'est lui qui joue, bah, la même année, je crois, le rôle de Bastien dans L'Histoire sans fin 2, qui est un film que j'aime plutôt bien, moi, L'Histoire sans fin 2. Ouais. Je trouve ça sympa. Les deux, L'Histoire sans fin, sont cool. Ouais. Il joue aussi dans le rôle cinéma principal. Allemand. Ouais, ça. German Qualität. Il joue aussi dans Sidekicks d'Aaron Norris avec Chuck Norris. Tu l'as vu, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la même chose. Ça n'est pas du Mais tout. Tu l'as vu celui-là? Non. C'est un gamin qui a pas confiance en lui, donc qui est joué par Jonathan Brandis. Et en fait, bah, c'est un peu le. Last Action Hero, mais avec Chuck Norris. C'est-à-dire, il va se mettre à voir Chuck Norris. On sait pas trop si c'est une projection fantasmagorique et qui va lui redonner la motivation en lui et qui va lui apprendre à latter les gueules. Bon, c'est... En soi, Ren Hart, c'est très drôle. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. Oui, d'accord. Et par la suite, il aura un petit rôle dans... dans Chevaucher avec le Diable d'Ang Lee et un rôle dans Six Quest, une police des mers, un truc produit par Spielberg, une série. Et bon, là, c'est un acteur qui s'est suicidé à 27 ans. Ah, merde. En 2003-2004, je crois. D'accord. Chevaucher avec le Diable d'Angli est très bien. Oui, oui, oui, c'est un Angli très sympathique. Il est coupé à son âme. Ouais. Comme on dit. Eddie Krasbach, sa version adulte, est jouée par Dennis Christopher, qui a un petit rôle dans Les Chariots de Feu, un film dont je ne connais rien si ce n'est la musique de Vangelis. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. C'est ça. je n'ai pas vu le film non plus. Voilà. Il est dans un film appelé La Bande des Quatre de Peter Yates, et dans un film, ça m'a fait rire, qui date de 87 et qui s'appelle Alien Predator. Voilà. Et non pas Alien versus Ninja, qui est le vrai film d'Alien. Mais non, mais en fait, je me disais, Alien Predator, ça veut forcément jouer sur Alien et Predator, mais en fait, non, parce que c'est sorti quelques mois avant Predator. Ah, alors, d'accord. Alien était déjà sorti, pour le coup, mais Predator sort quelques mois plus tard, donc... C'est juste un hasard et pas un truc racoleur pour jouer sur le titre. D'accord. Et il joue l'avocat de Candy, donc de Leonardo DiCaprio, dans Django Unchained. Ah. Voilà. Tarantino est fan de lui, apparemment. Voilà. Combien, et c'est le père de Paul Dano. Si, j'ai noté, c'est le père de Paul Dano dans Prisoners aussi. Ah, d'accord. Donc, le père de, du personnage handicapé qui est torturé par Hugh Jackman. C'est ça. On l'a déjà très souvent conseillé, Prisoners, et on peut en mettre une couche. Voilà. Ce que je me suis dit tout à l'heure, c'est on a un podcast cinéma, on dit souvent, l'une des phrases qu'on prononce le plus, c'est « Ah, moi, j'ai pas vu !» Ce qui est quand même inquiétant. En même temps, on mentionne beaucoup de trucs. Hein. Prisoners, on a vu, et c'est très bien. Ouais. Bon, sinon, il a fait une carrière surtout à la télé. Et la version enfant est jouée par Adam Faresi, qui pour le coup, lui, n'a pas vraiment eu une grosse carrière en dehors. Il fait un caméo dans Robocop 2, et apparemment, c'est un des 100 plus grands experts américains en saké. Ah bon ? Voilà. Bien belle info. Il a un diplôme de saké. Ça existe. Bien belle info. Voilà, c'est ça. C'est bon, le saké. C'est ça. Mmh. Et je parle de la boisson, hein, pas de bivon. Voilà. Bon saké. Voilà, c'est ça. Je vais te saké, moi, tu vois. Beverly Marsh. Pardon. Non, mais. Oui, d'accord, c'est bien, elle est bien. La version adulte est jouée par Annette O'Toole, qui joue Lana Lang dans Superman 3 avec Christopher Reeves. Ouf, bah, Superman 3, on va essayer de l'oublier. Hein. Oui. Bah, moi, je suis pas fan des Superman avec Christopher Reeves, même le premier, je me fais chier. Donc, c'est un joueur connu qui joue très très bien, surtout Clark Kent. Mais je sais pas, ça me convainc pas. Mmh. Moi, ça s'arrête aux deux premiers. Mmh. Voilà. Elle joue un rôle secondaire dans l'excellent La Féline de Paul Schrader. Sinon, c'est surtout les rôles à la télévision. On la reverra dans 22-11-63. Et en ce moment, elle est dans une série Netflix appelée Virgin River. À l'époque, elle venait de faire un téléfilm appelé The Dreamer of Oz, qui était un biopic de Frank Baum, avec John Ritter qui joue Ben, et en fait elle suppose que c'est grâce à lui qu'elle a eu ce rôle là parce qu'il lui avait dit qu'il était engagé là dessus et elle lui avait dit qu'elle avait rien et elle a été contactée peu après. Elle est pas totalement pour le rétablissement de la scène de sexe, mais elle trouve que c'est très dommage d'avoir supprimé l'idée de premier amour collectif. Donc c'est... Je sais pas comment bien le dire, ça fait dégueulasse quelle que soit la manière de le dire. Voilà, c'est ça. C'est elle qui est déçue que l'idée soit pas présente, et elle trouve la fin très ordinaire comparée au reste avec l'araignée et compagnie. Bah heureusement qu'elle n'est pas productrice. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, même quand le principal intéressé, King, oui, qui lui, normalement, adore la fidélité, quand il dit que bah non, cette scène-là, il faut la supprimer parce que c'est de la merde, voilà. Même s'il cherche à défendre quand même ce qu'il avait voulu faire à l'époque, hein, mais oui, il comprend qu'on la supprime totalement. Parce que déjà à l'époque, il me semble, à l'époque de cette première adaptation de ça, il était conscient en fait que Oui, totalement, merde. Que ça marchait. Enfin, que ça ne marchait pas à part symboliquement. Voilà. Mais par contre, oui, tu peux garder. En fait, ce qui est dommage du coup avec les deux adaptations, c'est que tu peux changer la symbolique. Oui. Après, Muccetti, je crois qu'ils font un pacte de sang, du coup c'est un petit peu changé. Oui, mais je crois que le pacte de sang est dans le roman aussi. Hein. Ah bah oui, exact. Oui, c'est, donc, je crois que ce qui était prévu dans une première version, mais à l'époque où c'était Cary Fukunaga, c'est que Beverly prenne le visage de tous les garçons entre ses mains pour au moment où ils doivent échapper à l'antre de ça, et que c'est ça qui leur permet de retrouver le bon chemin après leur rituel de Tchad. Tant qu'on est dans la symbolique autour de la sexualité des personnages, c'est pour simplifier le personnage d'Eddie qu'ils ont décidé de le rendre vierge dans le téléfilm, ce qui n'est pas flagrant, ce qui n'est pas dit explicitement dans le roman, mais ça permet de faire passer rapidement le fait qu'il est mal à l'aise et encore très, très oedipien dans son rapport à sa maman. La version ado de Beverly est jouée par Emily Perkins, qui était en tout début de carrière. Par la suite, elle aura... un des deux rôles principaux dans la série des Ginger Snaps, Elle joue, bah, pas Ginger, pas celle qui se transforme en garou, mais sa sœur. D'accord. Le premier, c'est du film pour ados qui a des bons trucs, je trouve, quand même. Alors, je n'ai jamais vu la saga de Ginger Starks. Alors, ça devient dégueulasse sur la dernière demi-heure, ouais. Mais le début... Et le 2, c'est complètement con, par contre. D'accord. Il y a des... En vrai, j'ai été diverti, mais en me disant tout du long, c'est complètement con. Voilà. Et le 3, je ne l'ai pas vu. Mais il faudrait quand même que je me penche dessus, quand même. Par curiosité, au moins. Oui, voilà. C'est... Il y a des idées. Il y a vraiment des idées. Elle est dans un épisode de X-Files qui s'appelle L'âme en peine. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Alors, c'est une jeune femme handicapée qui se fait baptiser et qui après se fait tuer en pleine rue. Et son père dit qu'elle a été attaquée par le diable. Oui, je vois. Il est bien ? Il est bien, c'est un bon épisode. D'accord, donc voilà. Et elle a un des rôles principaux aussi dans une série qui s'appelle Da Vinci's Inquest. Elle n'avait pas lu le livre. Apparemment, elle avait déjà joué dans un téléfilm sur une mère qui tue tous ses enfants et elle trouvait ça rigolo d'avoir du faux sang. Voilà. Encore une enfant très équilibrée, visiblement. Et à l'époque, elle considérait tous les autres, tous ses camarades de jeu, jeunes comme immatures, et très contente, évidemment, elle, que la scène de sexe ait été supprimée. Ah, tu m'étonnes. Ensuite, Ben Anscombe, je crois. Alors, la version adulte est jouée par John Ritter, qui a un rôle de policier qui se fait zigouiller dans La fiancée de Chucky. Regardez La fiancée de Chucky, parce qu'il est très drôle, je trouve. Globalement, regardez tous les Chucky. Hein. Il y a oui, aucun film à part de Chucky, le 3, il est chiant. Oui, mais il est le 3 est chiant. Oh, il est pas mauvais, mais... J'ai un peu de sympathie pour le 3. L'ambiance... Oui, c'est dans l'école militaire, le 3. Ouais, c'est celui de l'école militaire, le 3. L'ambiance de l'école militaire, ça va, je trouve ça sympathique. Mais c'est clairement le moins bon, genre, quand même. Oui, mais vraiment, c'est pas une saga... C'est pas une saga à la Freddy, où vraiment t'as des épisodes qui sont horribles. Ah, Freddy, je trouve pas qu'il y en ait des lamentables. Hein. Oui. Le 6 est vraiment plus faible, mais il est pas non plus irregardable. Hein. Contrairement au Vendredi 13 ou à Halloween, où il y a vraiment des très mauvais opus. Halloween 6, ouais. Ouais, Halloween 6, il est nul. Catastrophique. Donc John Ritter, il a joué aussi à la télévision dans pas mal de séries, donc on peut citer Hooperman, il fait une voix dans un truc appelé Clifford, le gros chien rouge, apparemment c'est un peu populaire, dans un truc appelé Touche pas à mes filles sur Disney Channel, je crois. Une carrière bien remplie, en fait il a beaucoup joué, c'est une des plus grosses carrières du casting, et il est mort d'une dissection aortique en 2003, encore assez jeune. Et apparemment, c'était celui des acteurs adultes qui faisait le plus l'effort d'aller vers les enfants. Ah ouais ? Voilà, il a pas mal essayé. Et la version enfant de Ben est jouée par Brandon Crane. Pas une grosse carrière à l'écran. Depuis, il est devenu acteur de comédie musicale sur scène. D'accord. Il a juste un rôle secondaire dans Les années coup de cœur, la série. Et apparemment, il fait un caméo dans le deuxième film ça de Muschietti. Mmh. Voilà. Mike Hanlon, en adulte, est joué par Tim Reed, un rôle important dans deux séries, il y en a une qui s'appelle Sister Sister et une appelée Simon et Simon, il fait les trucs où il y a deux fois le même mot apparemment. Il a aussi un peu travaillé comme scénariste dans les années 80 sur des dessins animés sortis en vidéo liés à l'univers d'Oz, ça a l'air dégueulasse visuellement, j'ai vu les images mais rien de plus, c'est immonde, et il a réalisé quelques téléfilms, bon, il partage les réserves de tout le monde sur l'araignée. Et c'est tout ce que j'ai à en dire. Et la version enfant est jouée par Marlon Taylor, qui n'a quasiment rien fait en dehors de ça. D'accord. Richie, en adulte, est joué par Harry Anderson. Il a joué le rôle principal d'une sitcom appelée Tribunal de Nuit, sur un juge dans un tribunal de nuit qui juge des affaires un peu en comparution immédiate, si j'ai bien compris. D'accord. Apparemment, c'était sympa comme série. Le principe est intéressant. Ouais. Mais sinon, il a fait une carrière... Pas mal aussi, à part en acteur à la télévision, en tant que comédien de stand-up et en tant que magicien. Donc typiquement le genre de personnage qu'il interprète dans le film, en fait. Ouais, c'est ça. Et il est décédé en 2018. Globalement, la série a pas l'air de porter chance à pas mal de monde. Hein. Oui, il y a pas mal de morts, quand même, dessus. C'est ce que je viens de voir. C'est ça, c'est un peu... Voilà. Et la version enfant est jouée par Seth Green. C'est lui qui avait des enfants, c'est celui qui a le plus joué à l'époque. Il joue l'enfant principal dans Radio Days de Woody Allen. Alors qu'il y a un Woody Allen très apprécié, mais dont moi je suis pas dingue, Radio Days. Mais qu'à des moments... Il a une ambiance très intéressante. J'y adhère pas trop, peut-être parce que la nostalgie prend pas sur moi. Mais c'est un Woody Allen assez unique. D'accord. Et il a un rôle secondaire dans un truc appelé « J'ai épousé un extraterrestre ». Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Par la suite, c'est lui qui joue Scott d'Enfer, donc le rôle du Docteur d'Enfer dans les Austin Powers. Il fait la voix d'Howard le Canard dans les films Gardiens de la Galaxie de James Gunn. D'accord. C'est pour ça que tu me disais que dans le film Howard le Canard... Non. Il joue Daniel Oz dans Buffy, Daniel Oz Osborne. C'est surtout notre camarade Necronomicon. C'est Necro, oui, qui a beaucoup vu Buffy. Qui aime énormément Buffy, moi j'ai vu que la première saison. Bah moi j'ai vu des trucs par-ci par-là. Et j'ai vu l'horrible film. Ah, ouais. Surtout. Ouais, mais qui était, là pour le coup, je crois que tout le monde reconnaît que c'est nul à chier, le film. Oui. Mais en fait, il fait beaucoup de doublage aussi. Et par exemple, c'est lui qui double Chris Griffin, donc le fils de la famille dans Les Griffin. D'accord. Depuis des années maintenant, ça, je sais plus quel âge, Les Griffin. J'aime bien Les Griffin. Ça fait partie de ces dessins animés façon Simpson que j'aime bien. Ouais, moi j'ai jamais plus. Après, il faut apprécier. Ça me déplaît pas quand je le vois, hein, mais j'ai jamais été fou des Griffin. Mais disons que tu passes devant une télé IA quand tu regardes, mais c'est tu un peu pas ça, à regarder ouais. Toi-même. Quoi. Après, leurs parodies de Star Wars sont très bien dans mon souvenir. Oui. Il faut clairement adhérer à l'humour, C'est ce McFarlane, ouais. McFarlane. C'est peut-être ça qui me manque. L'humour un petit peu, des fois un peu balourd, vulgos par moment. Moi, ça marche un peu sur moi. Après, je préfère American Dad, je trouve qu'il est beaucoup plus ça, vitriol. J'ai pas vu le tout, mais... beaucoup plus au vitriol. Mais même visuellement, j'en suis pas fan, hein, donc ça m'aide pas, je pense, à vouloir voir... Sinon, il a fait des voix dans Robot Chicken. Ouais, ça, de ce que j'en ai vu, c'est très bien. Et il double Leonardo dans la série Tortue Ninja de 2017. Donc ça, j'ai pas vu, je me dis que toi, peut-être. Alors, faut voir laquelle c'est de 2017, déjà, parce qu'il y en a eu énormément des séries Tortue Ninja dernièrement. Il y en a pas 10 par an, quand même. Non, mais il y en a beaucoup. Ah ouais. Non, 2017, c'est laquelle? C'est celle de... Ça doit être celle de Nicolas Demonde ou quoi, avec les... Tu m'en demandes trop. Si c'est celle à laquelle je pense, avec les espèces de bandages au niveau des pattes et tout, elle est très très bien. Tortue Ninja, je m'y connais très mal. Hein. Nouveau film Tortue Ninja, d'ailleurs, qui sort cette année. Oui. Produit et scénarisé par Seth Rogen. Ça, par contre, ça peut être très bien, ouais, ce que j'en ai vu. Visuellement, ça a l'air assez dingue. Bande-annonce. Ça, oui, ça donne vraiment envie. Mais il faudrait que je découvre l'univers Tortue Ninja. Ça me tente beaucoup, mais je me suis jamais plus plongé que ça. Partie des prochains univers à découvrir. Il y a plein de comics dans la pièce d'à côté. Oui, je sais bien, mais j'ai déjà plein d'autres comics à lire à toi. Et là, j'ai une explication à te demander. Parce que lui aussi, il a joué dans un épisode de X-Files, l'épisode 2 de la saison 1, qui s'appelle Gorge Profonde. Et donc là, je veux une explication. Alors, Gorge Profonde, déjà... Et le titre anglais, c'est Deep Throat. Hein, mais je ça sais. Vient pas de... Mais en fait, c'est parce que... Alors, en l'occurrence, c'est un personnage qui... Comment on dit ? Qui donne des infos au FBI, tu vois ? Qui est une source... Et en fait, je crois que c'est de là que ça vient, que dans le langage d'espion, c'est comme ça qu'on appelle un donneur de source. Sérieux ? Une gorge profonde, la disposition. D'accord. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. C'est le nom que ça porte, en tout cas. Et voilà. L'épisode est bien ? Après, oui, c'est un bon épisode. C'est un épisode qui, pour le coup, est vraiment lié au lore d'X-Files. Après, c'est le tout début, donc... Et du coup, c'est un personnage qu'on va revoir très souvent. Ah ouais ? Enfin, très souvent, peut-être pas très souvent, mais c'est un personnage qu'on revoit, normalement, il me semble. D'accord. Donc c'est ça, ça parle de ça. Après, c'est pas possible que tu fasses une série qui est X dans le titre, t'appelles ton épisode des Trots, ils étaient forcément confiants de ce qu'ils étaient en train de faire, en fait, c'est pas possible. Peut-être. C'est certain. Donc voilà, ça m'a fait rire en faisant mes recherches. Vraiment, il va falloir un jour que je te fasse une sélection des épisodes d'X-Files. Ah, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Parce que, il va falloir. Parce que sinon, il faut se les fader. Les 10 saisons, il faut quand même. Voilà. Mais au moins les épisodes importants. Et... Ouais, et puis J.A. me plaît vraiment, il est toujours temps après de faire les 10 saisons. Donc. Voilà. Stan, la version, toi, vous faudrait que je te fasse pareil avec Docteur Who. Et puis de toute façon, on en parlera un jour d'X-Files, puisque King est scénarisé un épisode. Oui, effectivement. Ouais. Un jour ou l'autre, on en parlera. C'est pour ça qu'il faudrait que je rattrape avant. Stan, la version adulte, est joué par Richard Mazur, donc un rôle récurrent dans une série appelée Au fil des jours. Sinon, il a pas mal joué tant à la télé qu'au cinéma, mais dans des rôles secondaires. C'est lui qui joue, par exemple, Clark, le responsable des traîneaux dans The Thing. D'accord, oui, exact. Voilà. Et la version enfant est jouée par Ben Heller, qui n'a vraiment pas une grosse carrière. D'après IMDb, il fait des voix de foule dans le nouveau ça et dans le premier Harry Potter. Voilà, c'est super. Des voix de foule. Bah, les trucs, les figurants que t'appelles pour faire une ambiance de foule. Oui. Voilà. Hein. D'accord. Une belle carrière. Ouais. Mais il en faut, en fait. Apparemment, les versions enfants et adultes ont été réunies un peu avant le tournage, histoire de discuter de leur rôle, d'avoir des gestes récurrents, mais Emily Perkins, donc l'interprète de Beverly, enfant, regrette qu'ils aient pas eu plus de temps pour travailler ça, cet aspect-là, la relation entre les... pour vraiment caler les personnages enfants et adultes. Henry, qui est le seul des persécuteurs vraiment mis en avant dans cette version. Adulte, il est joué par Michael Cole. À part un rôle important dans La Nouvelle Équipe, une série des années 60, il n'a pas fait grand-chose. Et la version ado est jouée par Jared Blanchard, qui double Michelangelo dans Tortue Ninja Nouvelle Génération. D'accord. Voilà. Ok. Bah, et d'ailleurs, c'est le seul, en fait, parmi la bande des Bullies, c'est le seul qui a une version adulte. Oui. Oui, oui. Tous les autres, bah, sont morts, mais ça, comme dans le roman. Oui. Audra, la femme de Bill, qui est le seul autre personnage positif mis en avant, c'est Olivia Hussey, qui a commencé sa carrière dans le Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli. D'ailleurs, avec le mouvement MeToo, il y a des trucs qui sont sortis sur ce film-là. Apparemment, les tournages n'étaient pas clean du tout au niveau représentation et nu d'enfants de 15-16 ans. Voilà. Sinon, elle est dans le Mort sur le Nil de Peter, enfin, avec Peter Ustinov, pardon. Qui est un film que j'ai jamais trop aimé. Je préfère largement Le Mort sur le Nil de l'année dernière. De Kenneth Branagh. Qui va dans la touche mélo à fond, et je trouve que ça marche. C'est marrant parce que il me semble que c'est des films qui sont vraiment pas du tout appréciés. Par contre, Les Morts sur le Nil et le Crime de l'Orient Express. Version Branagh, bah, surtout Le Mort sur le Nil, je sais qu'il y a plein de monde qui a détesté. Mais moi, je suis désolé. En fait, celui du Ustinov, j'ai l'impression qu'ils ont tous un balai dans le cul. Je m'ennuie en fait. C'est une bonne adaptation de Christie, mais je trouve qu'en film c'est trop statique, trop théâtral. Tandis que Branagh, bah, il s'éloigne, c'est mélodramatique à fond, ça en fait des caisses. Oui. Mais il y a un truc pour moi qui prend. C'est comme. Pour... Moi je suis d'accord avec toi. Hein. C'est un... Alors je les ai pas vus, bon, ces deux versions là, les deux de Branagh. Pour moi, le Woodunit, il faut que ça ait de la folie parce que sinon c'est chiant. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé un couteau tiré totalement réussi. Parce qu'il y a un brin de folie dans un couteau tiré. Oui, bah oui, totalement. J'ai toujours pas vu Glassonian d'ailleurs. Et il est encore mieux. Alors que tu me poses la question. Moi, je le trouve encore plus fou, Glassonian. Mais ouais, je trouve que Ryan Johnson, il a donné un coup de jus au Wood Unit. Et j'espère que les prochains qui sortiront. Il paraît que sa série Poker Face est très bien aussi. Ouais. Sinon, Olivia Hussey a aussi joué dans Psychose 4 de Mick Garris, pour citer un vieux pote. Et. Dans un film très sympa, Virus de Fukasaku. Non, pas le virus, pas le film nul des années 90, mais le film catastrophe, enfin un peu apocalyptique en fait, de Fukasaku. Alors le souci c'est qu'il a été massacré au montage, et la seule version qu'on trouve en DVD c'est la version découpée, qui est largement moins bien que le film original, qui se trouve difficilement en passant par des moyens détournés. Mais s'il y a un truc que j'espère voir ressortir, alors visiblement Carlotta s'intéresse à Fukasaku, mais ça peut-être ressortira. Chez Spectrum aussi, ça ressortira, je pense. C'est Virus, qui est un film bancal, mais vraiment excellent, et j'en avais parlé dans un vidéo, dans un archiviste d'ailleurs. Je pense qu'elle ressortira, il suffit de voir l'attrait qu'ont les éditeurs actuellement pour le cinéma asiatique. Ouais. Et japonais, surtout. Ouais, c'est... Ça finira par ressortir, je pense. Et oui, je pense que ça sera soit chez Carlotta, soit chez Spectrum. Oui, ce sera un des deux. Pour le coup, je pense plus chez Carlotta, parce que Carlotta a plus tendance à taper dans l'ancien, un peu... Ouais, après Spectrum, de plus en plus, hein, ils explorent bien les années 80 de Hong Kong, hein, avec les Hermanio qu'ils ont sortis, je crois que c'est les années 80. Après, parenthèse, éditeur physique DVD Blu-ray, j'ai l'impression que là, Spectrum essaye... En tout cas, cette année commence à se tourner vers autre chose que du cinéma japonais, chinois. Oui. T'sais, ils vont un peu vers le cinéma polonais. Alors ça va être de manière... Ils ont sorti effectivement, qui a l'air très bien, Painted Bird. Voilà, Painted Bird. Il faudrait que je le prenne celui-là, parce qu'il a l'air vraiment très bien. je pense que là, c'est surtout... Mais ça, ils vont le faire. Ce sera de manière exceptionnelle. Ce sera deux fois par an. Apparemment, c'est une collection à part. Mais ça restera centré au cinéma asiatique. C'est tout vraiment... Comme, tout comme la sortie de Infinite 2 Minutes. Oui. Beyond Infinite 2 Minutes. Beyond Infinite 2 Minutes. Qui est aussi une collection spéciale. Film indépendant. Oui, ça aussi, qui japonais, qui prévoit de faire régulièrement. Ah. Et ça... pour le coup, ils ont des annonces ultra alléchantes, hein, globalement, Spectrum, sur les années à venir. Là, pour les fans de ciné asiatique, de toute façon, en ce moment, il y a trop de trucs qui sortent. Moi, ça me frustre, je peux pas tout prendre, alors qu'il y a tellement de trucs que j'aimerais avoir. Bah, moi, c'est pareil. Il y a des trucs qu'il faut que je prenne, mais des fois, le... Alors, c'est justifié, parce que, je pense, énorme parenthèse, je pense au Seven's World, oui. New York, qui ressort chez Spectrum. Bah, le prix est cher, mais un peu mérité, parce que c'est dans un bel écran, avec oui. un beau bouquin, mais il faut les sortir quand même, quoi, parce oui, que c'est juste ça. Un film à... il a combien, il a... 50, je crois. Mais je crois que c'est le même prix que leur coffret King Hue, où il y en avait deux, pour le coup. Mais voilà. Mais ils sont très beaux, c'est vraiment de l'excellent travail. Voilà, hein. C'est juste que... ton cerveau te dit bon, 50, un film. Bah, moi, c'est pas tant mon cerveau pour ceci. Oui, non, mais si avec mon cerveau, il n'y aurait pas de souci. C'est juste que moi, j'arrive pas à vendre au capital autant que d'autres. voilà, hein, c'est. Non. J'ai pas des revenus. Oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça mon problème. Voilà. Mais c'est compliqué actuellement. Mmh. Ouais. Entre Carlotta, le chat qui fume. Ouais, moi, il y en a plein qui me tentent trop. Spectrum, m'énerve. Les quelques nouveaux éditeurs qui arrivent. Voilà. C'était la parenthèse physique. Et il y en a un autre qui va arriver apparemment sur l'édition de film du patrimoine classique sud-coréen, donc un truc qui n'est pas du tout édité chez nous, et ça va être très bien aussi, je pense. Voilà. Il y a des pays, hein, vraiment, où on a que dalle en termes d'édition. Ah bah oui, non, mais ne serait-ce que les Philippines, hein. C'est vraiment pas ouf. Ce que j'allais dire, le coffret Mac de Léon chez Carlotta, c'est un petit événement. Hein, c'est... Ouais, bah il y a un petit coffret aussi, Cavne de la Cruz chez Spectrum, ouais. Qui est un réalisateur très intéressant aussi, mais lui, le cinéma philippin, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, plein de trucs à découvrir. Ouais, clairement. Voilà, c'était la parenthèse. Pour revenir à ça, nous allons passer justement à Gripsou. Dans un premier temps, il y avait Malcolm McDowell qui avait été envisagé. Jean-Marie Bigard aussi, j'ai entendu parler. Il faisait pas encore assez peur à tout le monde à l'époque. La chauve-souris. Les hésitations autour de Tim Curry venaient du fait qu'il n'avait pas joué de rôle apparemment exactement comme ça avant, mais bon, enfin, quand tu vois ce qu'il fait dans Rocky Horror Picture Show, tu peux te dire que c'est quand même une bonne idée. Oui. Il avait déjà été choisi quand Tommy Lee Wallace est arrivé, mais ça allait parfaitement à Wallace d'avoir cet acteur-là. Oui, de le garder. Visiblement, il restait un peu distant des losers enfants, mais par contre, il était adorable avec tous les autres enfants du plateau, ah bon, juste avec les acteurs principaux pour essayer de créer un peu l'ambiance. Ouais. Bon, Tim Curry, il a une carrière très variée. Son premier rôle au cinéma, c'est le Rocky Horror Picture Show, qui est la reprise d'un rôle qu'il avait déjà eu dans les versions scéniques. Par la suite, il a surtout eu des rôles secondaires. Il est dans Legend, dans La Poursuite d'Octobre Rouge, dans Cluedo, la très bonne adaptation du jeu, Alarme Fatale, Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est le plus gros intérêt du film, d'ailleurs. Il a fait pas mal de doublages, et il a eu une carrière assez riche sur scène, en fait. Notamment dans un truc que j'aimerais bien voir, c'est Spamalot, une comédie musicale sur les légendes arthuriennes de Eric Idle, de Monty Python, donc ça doit être très sympa ça, je pense. Et il a fait un AVC en 2012, il est vivant, mais du coup il est en fauteuil roulant, et c'est pour ça qu'il ne fait plus que du doublage et en ralenti maintenant. Il aime le plat pissé. Pourquoi ? Ah, la vache ! Ouais. Intime Curry ! Ouais. Mais est-ce qu'il a déjà joué des policiers ? Est-ce qu'il a déjà joué des poulets Curry ? Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment de foutu. Ouais. On peut pas faire mieux, je crois. Le tournage se passe de nouveau à Vancouver. On cite beaucoup de tournages à Vancouver sur 2 ou 3 mois avec un budget de 12 millions de dollars, ce qui était beaucoup pour de la télévision à l'époque. Apparemment, une des difficultés qu'a rencontré Tommy Lee Wallace en termes de mise en scène, c'est de mettre des personnages, jusqu'à 7 personnages, dans un cadre 4 tiers. Hein, parce que c'est un cadre qui forcément n'est pas méga large, et effectivement, pour les foules, c'est pas ouf. C'est pour ça qu'il ne tiendrait jamais à l'idée d'un réalisateur professionnel, par exemple, de faire un film de groupe de super-héros, je sais pas, genre qui réunirait Batman et Wonder Woman en 4 tiers. Hein. Ce serait une idée à la con. Voilà. Personne ne ferait ça. Le directeur photo, c'est Richard Letterman, surtout actif à la télévision depuis un moment à l'époque, qui est mort en 2005, mais lui, il était vraiment vieux. Le production designer, je le cite parce que je trouve que, pour le coup, les décors et compagnie de la série sont vraiment pas mal. C'est Douglas Higgins. Lui aussi, c'est surtout quelqu'un qui est actif à la télévision sur un téléfilm appelé Le Procès de l'incroyable Hulk. Bon, dans les années 90, je pense que c'est relativement nul à chier. Il y a de fortes chances, quand même. Jamais vu. Nous, on le retrouvera sur Le Bazar de l'épouvante. Et il a fait un ou deux films, alors sur des potes plutôt d'assistants, sur Serpico et Un après-midi de chien. Donc, ce sont pas des films dont je suis fou, mais qui sont vraiment cultes. Serpico, j'aime bien, mais par contre, j'aime beaucoup, beaucoup Un après-midi de chien. Mais il me semble que toi, le cinéma de l'autre, t'es assez bien. Bah, j'aime bien Les Hommes en colère, mais... C'est tout. Ouais. On avait déjà une conception sur son cinéma que je trouvais plutôt froid. Ouais. Mais le fait que je sois rarement ultra dingue d'Al Pacino, à part quelques rôles, ouais, je joue cool. Aussi peut-être. Hein. Mais oui, j'aime beaucoup, beaucoup d'Un après-midi de chien. Et pour le coup, t'as un vrai message social derrière. Ah oui, non, mais ça, le film, je peux pas... En fait, je peux pas vraiment faire de reproches objectifs au film. Hein. C'est méga bien fait, mais voilà, j'adhère pas plus que ça. Donc, moi, j'aime bien son cinéma, donc j'aime beaucoup Un après-midi de chien. Et Douglas Higgins a aussi travaillé sur Crying Freeman, qui est un très bon film, et sur L'effet papillon, qui est un plaisir adolescent. Bah, comme dit, je l'ai vu quand j'étais ado. Je l'ai revu il y a pas si longtemps, et je me suis dit, ouais, c'est sympa quand même, mais ouais. Aujourd'hui, on sent les années 2000. D'accord. Mais ça va. Oui, c'est pas non plus Windows. Quoi. C'est pas fin, c'est trop rentre dedans, mais ça va. Les maquillages spéciaux, donc les maquillages de Tim Curry, entre autres, sont de Bart Mixon. Déjà actif depuis quelques années, il est sur La Revanche de Freddy, donc le deuxième, sur Le Cauchemar de Freddy, donc le troisième, Massacre à la tronçonneuse 2, Vampire, vous avez dit Vampire 2, c'est là qu'il a dû rencontrer Tony Wallace. Cyborg avec Van Damme, et par la suite, on le retrouvera nous sur Cimetière 2, il est très très actif, il est sur les Men in Black, sur Rushmore, même si je vois pas bien ce qu'il y a plus foutre sur Rushmore, mais pourquoi pas, c'est un bon film Rushmore, sur Fargo, les Rings américains, le 1 et le 2, La Maison des Mille Morts, plusieurs trucs Star Trek, Hellboy 1 et 2, Collateral, là aussi je vois pas ce qu'il a fait, mais... Le vieillissement de Collateral, attends. Collateral avec Tom Cruise et... Ah si, Le Vieillissement de Tom Cruise. Ouais, peut-être. Bon, c'est vrai qu'il est un peu. C'est vrai qu'il est... Il a un look particulier. Ah, il a un peu vieilli, et avec tes cheveux longs, peut-être. Ouais. Bah, pour le coup, c'est le seul effet de maquillage que je vois. Bah oui, moi aussi. Par contre, un très bon Michael Mann. C'est peut-être même son meilleur. Hein. Mm. Pour ce Tom Cruise est dingue dedans, Jamie Foxx aussi. Ouais. Donc, il est vraiment très très bien, hein, Collateral. Il est sur le deuxième Pirate des Caraïbes, sur Insidious 3, Sinister 2, plusieurs Grey's Anatomy, beaucoup de Marvel. Domine dans le game. Quoi. Ouais, voilà. Et Midnight Meat Train, un petit film sympathique dont on a déjà parlé. Oui, exact. Une bonne adaptation de Clive Barker. Et il devait travailler sur le remake à l'époque où Cary Fukunaga y était lié, mais apparemment quand le projet Fukunaga est tombé à l'eau, lui est sorti et il est pas sur la version finale. Comme beaucoup de gens en fait. Oui, c'est ça. Plein de gens qui se sont barrés quand le projet Fukunaga a rendu l'âme. Ouais. Pour le visage de Gripsou, l'inspiration principale, apparemment, c'était le fantôme de l'opéra de Lou Chaney, en le rendant plus clownesque, évidemment. À l'époque, enfin au départ, on avait envisagé une version avec des prothèses plus marquées pour déformer le visage, mais Tim Curry n'était pas tellement favorable à ça parce qu'il trouvait que ça aurait nuit un peu à son jeu. Donc tout ce qui a été gardé, c'est sur certains gros plans des dents, des fausses dents, mais qui ne sont même pas présentes sur tous les plans. Oui. Mixon dit que pour lui c'était très important que Gripsou ait l'air d'un clown amical. Et effectivement, il a l'air beaucoup plus clown normal dans cette version. C'est pas la version de Skarsgård que la version de Bill Skarsgård. Alors il fait assez vite peur, mais on comprend que des enfants s'en approchent et vraiment le doute. Tim Curry gère bien ça. Là, le fait que Georgie tende le bras, j'y crois. Oui, voilà, c'est ça. Plus compliqué dans la version de Skarsgård. Apparemment, il a fait aussi d'autres effets visuels et avait, en respectant les directives un peu cheloues d'ABC, par exemple, la pourriture, c'était oui, le sang, si c'était pas directement sur les corps, ça pouvait passer, mais par exemple, on pouvait pas représenter des corps avec de l'humidité dessus. Donc c'est pour ça que, par exemple, la scène avec le squelette qui sort de l'eau, le squelette est sec. Voilà. Je sais pas. Je comprends pas. Une limitation des villes de chaîne. Et lui et Wallace ont essayé au maximum de faire les effets spéciaux directement, enfin de manière physique le plus possible. Donc, par exemple, la scène des Fortune Cookies, c'est des marionnettistes qui sont en train de bouger les trucs et apparemment elle a été faite en une seule prise pour capter les réactions des acteurs. Les acteurs n'étaient pas au courant. Oui, c'est ça. Bon, moi, je trouve pas ça bien effrayant, mais peut-être. Oui, mais l'effet rendu. Ouais. La scène dans les douches communes quand Gripsou sort du tuyau, c'est du stop motion. Mais c'est du beau stop motion, ça je peux pas le retirer. Et la scène de la tête de Stan dans le frigo, c'est un split screen en fait. Ils ont filmé d'abord l'acteur de Stan, et après ils ont rajouté le frigo, c'est un effet de split screen. D'accord. Voilà. C'est aussi Mixon qui supervise la construction de l'araignée, qui a demandé beaucoup de travail. Le budget pour sa création, c'était 200 000 dollars. Ils avaient à peu près 13 semaines pour faire le boulot. Au départ, c'était prévu qu'on l'entreaperçoive à la fin de la partie 1, quand les enfants réussissent à blesser Gripsou, mais Mixon convainc Wallace de mettre plutôt les lumières mortes à cet endroit-là pour garder l'araignée vraiment juste pour la fin. Il a essayé de la rendre la plus alien possible. C'est un mélange d'animatronics pour la tête et un costume pour le corps, bah, façon costume de Godzilla avec quelqu'un à l'intérieur. Visiblement, c'est principalement Brent Baker qui était dedans, et visiblement c'était pas confortable de ouf. J'imagine bien. Voilà. Wallace était très satisfait des dessins et modèles réduits qui ont été faits, sauf que la version finale, avec les budgets et compagnie, bah, elle était beaucoup moins bien que ce qu'il avait vu, mais il s'en est rendu compte au dernier moment, il est livré juste avant le tournage, bon bah, du coup il a pas le temps d'en demander une, il a pas le temps de réécrire pour supprimer l'araignée, bon bah, ils ont dû se lancer, mais déjà tout le monde avait l'air un peu sceptique à l'époque. Et en plus, au moment de faire l'étalonnage du film, Tommy Lee Wallace était déjà sur un autre projet, donc il n'a pas pu trop le superviser. Ils ont fait un étalonnage beaucoup plus lumineux que ce qu'il aurait souhaité. Donc pour lui, on la voit beaucoup trop, en fait, l'araignée visuellement. Donc il dit, oui, bon, effectivement, c'est pas réussi. Ça passe pas très bien. Et il existe effectivement une version stop-motion. C'est les plans en stop-motion. Mais pas beaucoup. Vraiment, ouais. C'est quand elle arrive la toute première fois, je me souviens. Oui, oui. C'est tout frais, je l'ai revu ce matin. Et ça, Larry Cohen redit dans des interviews récentes que s'il avait encore été impliqué sur le film à l'époque, il aurait vraiment fait son possible pour supprimer totalement l'araignée, parce que pour lui, ça va pas, quoi. À la réflexion, sa version n'était pas forcément géniale non plus, mais ils auraient dû essayer de travailler sur le côté protéiforme de ça. Bah, donc même dans l'équipe principale, pas grand monde n'aime cette araignée, qui a été récupérée par le père de Bart Mixon. Voilà, qui Bart Simpson. Bart Mixon qui a des effets spéciaux, enfin le maquillage, à l'araignée, enfin avait à l'époque l'araignée chez lui. Et c'est barré en plus. Les effets spéciaux en eux-mêmes rajoutés après sont de Gene Warren et sa compagnie Fantasy 2, donc lui aussi très actif dans plein de trucs. Il est sur Terminator, Le Retour des Morts Vivants, Vampire, vous avez dit Vampire 2, Cyborg, Cimetière, Abyss, Tremors, etc. Par la suite, Terminators 2, le Dracula de Coppola qui a des très beaux effets spéciaux par moment, Last Action Hero, True Lies, donc c'est un familier de Cameron Crane, Strange Days, The Crow, les trois premiers Underworld, Moonrise Kingdom, je sais pas pourquoi non plus, et il est mort en 2019, je crois qu'il était un peu vieux lui aussi. Peut-être des matte painting, des effets comme ça. Peut-être aussi les effets au début, hein, ça doit être un faux plan séquence au début qui va être vraiment à l'œuvre. Ah oui, donc ça. Apparemment, dans les scènes difficiles à tourner, niveau effet, il y a eu celle du lavabo, avec le ballon de sang. Donc, pour contrôler l'effusion de sang et tout, apparemment ça a été assez galère. D'accord. Et sinon, on peut mentionner dans l'équipe Norman Cabrera, qui a fait par exemple le loup-garou, qu'on voit quelques secondes. Qui est dégueulasse. Et la vieille, qui est dégueulasse aussi. Qui est dégueulasse, mais je pense que c'est voulu qu'il soit dégueulasse. Il a un aspect années 60, en fait. Oui, ouais, on va dire que c'est voulu, ouais. Non, mais il reprend le design du film. Oui. Oui. Si tout le reste avait été ultra réussi, je t'aurais dit ok, mais bon. Sinon, il est aussi sur Vampire, vous avez vu Vampire 2, Brain Scan, bon, Une nuit en enfer, le film X-Files, The Cell, La planète des singes de Burton, les Hellboy, Jusqu'en enfer, La cabane dans les bois, Malignante, pas mal de trucs de qualité variable, mais il y a des bons trucs. Ouais, et Malignante aussi, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. La musique est de Richard Bellis, qui était en relatif début de carrière. Alors, j'ai pas bien compris, parce que lui, quand il parle de ce film-là, il dit qu'à cette époque, sa carrière était en pause depuis plusieurs années, sans qu'il sache pourquoi, mais il a des crédits sur IMDb dans les années précédentes. Pas beaucoup, mais il en a. Donc voilà. Mais en tout cas, à l'époque, il vivait pas de la musique, et il avait une entreprise de menuiserie, visiblement, en parallèle. D'accord. Bon, dans son début de carrière, il a fait aussi plusieurs films policiers ou de genre. Après, il va arrêter les films de genre, parce qu'il est peu après ça, il est sur un téléfilm appelé Double Jumelle, Double Problème. Est-ce que tu vois ce que ça peut être ? Oui, je vois très bien ce que ça peut être. Voilà, c'est donc un film avec Mary-Kate et Elizabeth Olsen. Et ensuite, il fera Deux Jumelles dans l'Ouest. Et après, des trucs qui n'ont même pas de titre français. Donc, You're Invited to Mary-Kate and Ashley Birthday Party. You're Invited to Mary-Kate and Ashley Christmas Party. You're Invited to Mary-Kate and Ashley Mall Party. You're Invited to Mary-Kate and Ashley Ballet Party. Je vais tous les faire. You're Invited to Mary-Kate and Ashley Camping Party. Et You're Invited to Mary-Kate and Ashley Costume Party. Voilà, voilà, voilà, voilà. Il est souvent invité aux fêtes, ce monsieur. Un truc fascinant des années 90, la carrière de Jumelles Olsen. Surtout que du coup, j'ai cherché des musiques qu'il a fait pour essayer de voir ce qu'il faisait. Et en fait, je suis tombé sur des images de celui dans l'Ouest, là, double. Donc, deux jumelles dans l'Ouest. Quand je regarde la moindre image, t'as l'impression que dans leur tête, les jumelles, elles sont en train de se dire « Mais sauvez-nous de là, sortez-nous de là, quoi. On a juste envie de s'amuser comme des petites filles normales. Arrêtez de nous exploiter. » Elles ont vraiment pas envie d'être là. Et maintenant, il est surtout un membre de l'ASCAP, donc l'American Society of Composers, Authors and Publishers, qui est une société de gestion des droits d'auteur pour les compositeurs. Et il fait pas mal de trucs autour de ça, apparemment. La BO, il doit la composer et l'enregistrer en 5 semaines, donc 4 jours de location d'un orchestre d'une cinquantaine de musiciens environ. Visiblement, il a eu deux inspirations majeures. Pour les motifs, c'était Bernard Herrmann dans sa gestion des BO d'angoisse. Et pour le thème principal et surtout l'intervalle musical, enfin l'intervalle tonique entre les deux premières notes du thème principal, qui est un intervalle de septième majeur, donc intervalle entre un Do et un Si, si vous voulez vous représenter. Ce qu'il a inspiré, c'est le changement du bruit du moteur de son sèche-cheveux quand il changeait la vitesse. Pardon ? Voilà, il y a des trucs géniaux qui ont été trouvés comme ça par hasard. Hein. D'après Richard Bellis, ni les producteurs ni Tommy Lee Wallace n'ont jamais aimé sa musique, ne trouvant pas qu'elle était assez marquante, surtout le thème d'ouverture sur le générique de la première partie, qu'ils auraient voulu plus marquant pour attirer les gens. Mais il n'y avait plus le temps de changer, il fallait faire avec. D'accord. C'est une musique qui a un statut un peu culte. Elle a mis très longtemps avant de vraiment sortir en support CD. On en trouvait des petits bouts par-ci par-là dans des compiles, mais la première édition, pas complète mais pas loin de la BO, date de 2011 en CD. Et depuis, on a eu par exemple une édition vinyle, en 3 vinyles. Alors c'est très beau, hein, visuellement, elle est magnifique. Elle est pas folle, la BO. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc elle a un petit statut culte. C'est pas nul. Le thème principal, il est sympatoche, je trouve. On sent pas le sèche-cheveux. Après, le souci, c'est qu'il y a plusieurs trucs qu'il veut faire et qui se mélangent pas bien, au final. Donc les pistes synthées comme le thème principal, les pistes plus orchestrales par moment, les musiques de cirque un peu horrifiques. Non, pour moi, c'est les seuls qui sont vraiment réussis, les musiques de cirque. Oui, peut-être les plus réussis. Je trouve qu'il y a des scènes, des pistes au synthé qui fonctionnent aussi. Il y a une musique à un moment, pendant la fameuse bataille de Caillou. C'est une musique qui est typée un peu western, parce que tu sais, t'as les deux clans qui sont face à face. Ça fait un peu western, je trouve que ça colle bien. La musique colle bien. Cette musique-là colle bien. Pas du tout, parce que c'est une musique très lente et très... Enfin, on dirait un enterrement dans un épisode de Walker Texas Ranger, pas une belle scène d'action. Non, moi je trouvais que ça collait bien. Des cailloux. Celle-là, plus les musiques de cirque. Ah ouais, moi ça, sur la scène de la bataille des cailloux, je l'ai trouvé ultra molle, en partie à cause de la musique. D'accord. Y a un gros riff de guitare pour la bande d'Henry qui est totalement ringard aujourd'hui. Trump. Après, c'est pas nullissime. Quand je la mets en présence en fond, elle me dérange pas, mais je fais vite autre chose parce que je dis que ça existe. Voilà, c'est après, pas si mal. Le riff de guitare, oui, c'est à cause du temps qui est passé que c'est devenu oui, ringard. Oui. C'était la mode à l'époque. Globalement, les différents éléments de la BO se mélangent mal, hein, je trouve. Oui. Non, mais on est d'accord, la BO n'a rien de cultissime. Ouais. Apparemment, dans un premier temps, elle a été prévue en mai comme série. Finalement, c'est diffusé les 18 et 20 novembre 90. King en avait déjà vu une version de travail au moins de la première heure parce qu'il refusait de faire toute promotion pour la série s'il ne voyait pas à quoi ça ressemblait. Compréhensible. C'est logique. Et du coup, ils ont rendu ça comme un téléfilm de Noël, alors. Je ne sais pas, peut-être plutôt Halloween à l'époque. Ah oui, peut-être, oui. Effectivement. C'est le plus gros succès de l'année 90 pour ABC et tout le groupe ABC, avec 17,5 millions de foyers pour la première partie et 19,2 pour la deuxième, ce qui est effectivement beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont enregistré, apparemment. D'après Larry Cohen, le directeur de Capital City, donc qui est la maison mère d'ABC, aurait dit en interview que son regret face à un tel succès, c'est que ça n'avait pas duré plus longtemps. Il fallait y penser avant. Oui, fallait dire oui à Romero. Ouais. En France, elle est diffusée le 16 octobre 1993 sur M6. La réception critique, globalement, elle est vraiment bonne, surtout pour la première partie. Il y en a qui en parlent comme une des meilleures adaptations de King, un excellent moment d'horreur. Le casting enfantin, dans l'ensemble, est dit comme étant bon. Les dialogues et le scénario, c'est un peu plus critiqué. On reproche aussi le manque de confrontation frontale avec ça, et une fin décevante. Et la deuxième partie, dans l'ensemble, est moins appréciée que la première. Bélis gagne le Emmy Award de la meilleure musique pour une mini-série. Ah bon? Ouais. Après, il y a peut-être rien de bien. Non, mais il y a peut-être voilà. Pas de concurrence aussi. Là. Oui, c'est ça, peut-être. Et aujourd'hui, elle garde un statut un peu culte. Beaucoup la considèrent comme une des meilleures adaptations de King et une terreur d'enfance. L'acteur dedans, qui est dedans, qui Richard Thomas, l'a dit que c'est une série dont on parlera encore dans longtemps. Et la compare. Alors, on avait dit la comparaison avec de 1922 avec There Will Be Blood. Là, Richard Thomas, la comparaison avec Orange Mécanique, vraiment, j'en suis pas sûr. Non, putain, comment celle-là, on va devoir la rediscuter deux minutes dans le statut culte. Et la performance de Tim Curry, là, pour le coup, est célébrée par quasiment tout le monde. Aujourd'hui, la série a 3,6 étoiles sur Allociné, ce qui la place 6e à égalité avec. Les chefs-d'œuvre Dr. Sleep et ça, chapitre 1, et Les Langoliers. Et 68% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, mais avec une bien meilleure note que 1922, si on prend les notes équilibrées, ce qui la place 15e entre Christine et Vengeance Diabolique. Je me serais attendu à ce qu'elle soit plus haut. King aime énormément cette adaptation. Il dit qu'il en attendait rien et que oui, bah, on sent le manque de budget, on sent certaines limitations, on sent le manque de temps qui a obligé notamment à sacrifier des scènes et certains personnages. Il trouve que Richie est pas très réussi dans cette version, notamment. Mais il trouve qu'elle a une vraie ambiance, que ça reste quelque chose d'ambitieux, que le jeu des acteurs et les relations entre les personnages sont pas mal gérées. Donc il en est satisfait. Wallace, lui, il pense que c'est pas mal, mais inférieur au roman. Ça, oui, on est tous d'accord pour dire ça. Et on suppose, c'est à peu près certain, que c'est le succès de cette série qui a mené à toutes les adaptations en téléfilm et en mini-série de King dans les années 90, donc que ce soit Shining, The Stand, les Tommyknockers et tous les scénarios originaux. C'est une évidence, c'est obligé. Oui. Les éditions DVD recadrent le film en 16/9, donc en coupant le haut et le bas de l'image. C'est le cas de ma version, d'ailleurs. Oui, la mienne aussi. Ce qui fait que pour avoir le bon format, la bonne image complète, il faut prendre le Blu-ray. Si jamais vous avez envie de l'acheter. Oui, non. Si c'est le cas, peut-être arrêtez-vous là. Effectivement, faites votre achat. Attendez que ce soit sûr qu'on puisse plus l'annuler. Et après, réécoutez cette partie du podcast. Parce que c'est à partir de là que je vais perdre toute objectivité, une fois que tu auras donné ton avis. Vas-y. Salut, Georgie. Qu'est-ce qu'on dit ? Salut, Clown. Oh, dis-moi bonjour. Est-ce que tu Tu veux un ballon ? Je dois pas accepter de choses de la part d'un inconnu. Papa, il m'a dit ça. C'est très sage d'avoir dit ça, Georgie. C'est vraiment très sage. Moi, Georgie, je m'appelle Gripsou. Je suis le clown cabriolet. Toi, tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons. Pas vrai ? C'est vrai, oui. Je dois rentrer. Ah, rentrer ? Sans ça ? Ah, mais c'est toi qui as mon bateau. C'est lui en personne. Prends, il est à toi. Prends-le. Oh. Tu tiens ton bateau, Georgie. Je t'assure, tu sais, Georgie, il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi de toutes les couleurs. Est-ce qu'il flotte ? Ah oui. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi ! Ça, c'est vraiment toi. Faut bien la replacer. Je l'ai eu en tête à chaque fois. Mais de rien. Et à chaque fois, du coup, ça m'a évoqué On connaît la chanson, et je me suis dit pourquoi je regarde pas plutôt On connaît la chanson. Alors, cette blague m'a été soufflée par ma chère étendre. D'accord. Merci à elle. Aujourd'hui même. Parce qu'on n'en fait pas assez de mauvaises, il faut que les autres nous en amènent en plus. C'est ça. Alors. Moi, c'est un film qui m'avait, enfin c'est un téléfilm du coup, qui m'avait beaucoup marqué plus jeune, avec un regard bien plus influençable qu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, là où la nostalgie ne fait plus vraiment son travail, je regarde ça avec un air de « Ah, ça a quand même pris un sacré fou de vieux dans la gueule !» et une incompréhension totale quant au succès encore aujourd'hui que représente le téléfilm. Parce que j'ai du mal à croire que quelqu'un qui le regarde puisse qualifier ça de génial encore aujourd'hui, parce que faut être objectif à un moment donné. J'ai pas fait une enquête sur toutes les personnes, mais j'ai l'impression que les personnes qui apprécient, c'est des quarantenaires qui l'ont vu trop jeune. L'ont vu enfant, comme moi, quoi, typiquement. Oui. On a le même parcours que ces gens-là. Je comprends parfaitement, par contre, qu'à l'époque, ça avait pu marquer une génération de jeunes spectateurs, comme moi. Clairement, je comprends que découvrir ce téléfilm en ayant 13-14 ans, oui, ça fait quelque chose, parce que c'est une époque où tu découvres un peu tout ça, que la télévision, mine de rien, à cette époque-là, n'avait pas l'habitude de montrer ce genre de choses, qu'il y a des effets qui étaient plutôt réussis pour l'époque, mais bon, fort est de constater qu'au final, c'est quand même pas terrible, qu'il y a un énorme problème de rythme, que oui, le casting est pas mauvais, mais le problème, c'est ce qu'on leur fait jouer, qui est pas terrible, en termes de dialogue, en termes de mise en scène, en termes de direction d'acteur, c'est pas totalement ça non plus. Je te rejoins, t'en parlais tout à l'heure, vite fait, quand on parlait du décorateur principal, oui, les décors sont bien, par contre. Globalement, les environnements sont jolis. Mais de ce que j'en ai vu d'image, la série indienne en 52 épisodes, elle est encore plus belle. Ah bon ? C'est pour ça que j'ai vraiment très envie de la voir, de me faire chier pendant 52 épisodes. Mais ça s'arrête là, en fait. Parce qu'après, tout le reste, Alors, je suis d'accord avec la majorité des gens. Oui, la première partie est mieux, est bien plus rythmée. Oui. Le temps passe beaucoup plus vite sur la première partie, alors que la seconde, c'est le même symptôme que la version de Muccetti. C'est chiant, tu te fais chier sur la seconde. Même si... Le problème de rythme n'est pas le même, parce que ça reste quand même un téléfilm d'1h30 et non pas un film de quasiment 3 heures chez Muccetti. C'est ça aussi qui pêche beaucoup. Il y a, même pour une première adaptation, il y a des incompréhensions. Je comprends pas pourquoi ils ont persisté à foutre l'araignée dégueulasse qui est déjà dans le roman. C'est bateau comme idée. Alors que t'as des idées du roman qui sont bien, mais qui ne sont pas dans le téléfilm, genre. La maison. De Maple Street. Oui, il n'y est pas. Il y a un peu, c'est la maison intelligente à la fin. Ouais, mais C'est vite expédié, oui. C'est vite expédié, quoi. Alors que pour le coup, c'est beaucoup plus réussi chez Muccetti. Ah, bah, c'est une des meilleures scènes de Muccetti. Hein, voilà, la scène est super efficace. Voilà. J'ai. Voilà. Il y a des effets qui sont réussis, je trouve. Oui, il y en a. En fait, la majorité des effets vraiment pratiques, directs, sont réussis. Genre quand les ballons explosent et que ça projette du sang, je trouve que c'est efficace. Le sang qui jaillit du lavabo avec le ballon, enfin, le ballon d'abord qui jaillit du lavabo, qui déverse du sang partout dans la pièce, c'est efficace. T'en as parlé vite fait, l'effet de stop motion où Gripsou sort de la scène de douche, c'est très réussi. Oui. Et même aujourd'hui, l'effet stop motion n'est pas dégueulasse. Mais il y a beaucoup trop d'effets. J'ai eu un petit souci avec cette scène, mais pour le coup, c'est parce qu'elle m'a évoqué tout de suite la scène des douches dans Freddy 2. En fait, on y reviendra sur la menace que représente ça, et entre autres dans cette scène, il y a un truc que je comprends pas. Mais... En fait, le problème, c'est que oui, ça. Je le trouve, en fait... Bon, on va finir avec les avis généraux. Ouais, vas-y. Enfin, t'as encore des trucs à ajouter. Non. Du coup, pour mon avis général, moi, contrairement à toi, j'ai quelques années de moins, donc c'est peut-être ce qui a fait la différence. J'ai pas découvert ça à l'époque, parce que du coup, la diffusion française, j'avais pas encore un an, ce qui est un peu jeune, vraiment. Et je l'ai découvert... Il n'y a pas si longtemps que ça, à l'époque on faisait un autre podcast qui s'appelait La Guerre des Claps et on avait fait un épisode sur les adaptations de King et donc je l'avais vu en ayant toujours entendu le plus grand bien et ça avait été une méga déception. Et là je me suis dit bon je vais la revoir à tête un peu plus reposée, peut-être que ça passera mieux. Et j'ai moins détesté que la première fois, mais ouais il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Alors effectivement la première partie est mieux que la deuxième. L'idée de faire une section par personnage, à la fois ça permet à la première partie d'être très structurée, mais peut-être trop structurée, parce qu'elle est un peu mécanique au final, je trouve qu'elle finit par lasser aussi, mais elle est toujours mieux faite que la deuxième. Moi, alors je sais pas si c'est qu'ils sont mal dirigés, que les dialogues sont mal écrits, bon ça c'est sûr, ou qu'ils sont pas très bons, je les ai pas vus dans assez d'autres trucs pour dire... Mais niveau jeu, j'ai pas trouvé ça ouf du tout, il y a plein de moments même où je trouve ça... Je trouve que ça pique un peu, surtout les rôles secondaires et les enfants, il y a des moments ça passe pas, quoi. Le copain de Beverly, je trouve que c'est une catastrophe quand il s'énerve. Certains des enfants, quand ils doivent jouer la peur ou des trucs comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils récitent. Les effets, en effet, il y en a qui passent. Tim Curry, il joue plutôt bien. Pour moi, c'est un meilleur Gripsou que Bill Skarsgård. Pour moi, c'est le gros point positif de cette adaptation par rapport à celle de 2017. Mais par contre, il est pas bien utilisé. C'est-à-dire, je pense que s'il avait eu plus de longues scènes où il aurait pu déployer son jeu, ça aurait pu être intéressant, mais il aurait fallu qu'il y en ait moins souvent. Parce que là, à quasiment chaque transformation de ça, à la fin, il y a Gripsou qui apparaît. Pour une ou deux secondes, et ça fait vraiment Tim Curry qui est venu toucher son chèque pour deux secondes. Alors que quand il a un peu plus de temps, que ce soit avec Georgie au début, ou la scène au début de la deuxième partie où il fait chier Richie dans la bibliothèque, ces deux moments-là, je trouve que vraiment ça marche bien. Ouais. Mais il n'y en a pas assez, parce que la plupart du temps, il apparaît deux secondes, et puis... Oui, pour faire coucou. Pour faire coucou. Il fait coucou comme ça. Si, j'aime bien la scène... Attends, t'as évoqué lesquelles ? T'as évoqué celle où il est dans la bibliothèque ? Ouais. Où genre, il chevauche la rambarde, il fait des blagues... Il fait des blagues où il fait vraiment le... Il fait le clown. Il fait le clown. Du coup, ça, c'est très très bien, ça. Et c'est laquelle, l'autre scène que t'as évoqué ? Bah, Georgie. Alors moi, j'aime bien aussi la scène où Bill LeBeg revient en adulte, et où il fait face à toutes les tombes. Oui. Et okay, genre, ouais, là, ça aussi, là, ouais. Là, t'as un vrai jeu, du coup, de Curry, et genre, il pointe du doigt la tombe. Ah, mais il y a déjà une tombe qui est prise. Ouais. Ouais, ça aussi, ça marche bien, effectivement. Là, cette scène-là, oui, elle est très réussie. Mais voilà, moi, du coup, j'ai pas du tout de facteur nostalgie, et donc, quand je vois ce film, je me dis, ouais, c'est mieux que Le Fléau, quoi. Mais vraiment, j'ai pas beaucoup plus de bien à en dire. Je me suis fait chier. Ça a été laborieux à voir. J'ai pas pris de plaisir du tout. À voir ça, il n'y a rien qui ressort pour moi comme vraiment positif. Alors, par contre, je te rejoins sur le fait que c'est totalement compréhensible que ça ait fasciné à l'époque, et que les limitations d'époque, je les comprends tout à fait. Je pense que pour l'époque, effectivement, c'est un petit tour de force, et que, historiquement parlant, ça a été un programme qui a eu son importance. Mais ça suffit pas à en faire un bon programme, c'est pas parce que je comprends les raisons pour lesquelles il y a des trucs que j'aime pas que je vais les plus les apprécier pour autant. Non, puis surtout pour le coup, le film a... Enfin, le temps a vraiment eu un impact sur le film. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. Tant et si bien que le voir aujourd'hui, bah non, en fait, ça ne fonctionne plus. Pareil, ce qui m'a un peu lassé, c'est que j'ai l'impression que toutes les scènes, pour question de limitation, en fait, coupaient au moment où l'horreur aurait pu commencer à arriver. Et... Ouais, j'en ai vite eu marre, en fait. C'est le là encore, c'est le problème... De la télé. C'est que le film est limite découpé en scénettes horrifiques, plus qu'en véritables scènes pensées, avec un début, un milieu, une fin, mais surtout une suite. Ouais. Là, ça fait vraiment découpage en scénettes. C'est ça, le problème. Alors, je suis désolé, Titan, je te récupère ça, j'en ai bien. Le chat, c'est un coup Le chat était assis sur mes notes. Après, on sent que même thématiquement, il y a eu, des trucs pas assumés. Pour moi, il y a deux thèmes, enfin, deux trucs qui sont supprimés autour de l'effet de ça sur la ville. C'est-à-dire le fait que tous les adultes ferment les yeux. Au final, il est très absent, il est présent que dans une scène où Henry et les autres agressent Beverly. Et on voit un petit vieux qui, effectivement, rentre chez lui. Mais là, j'ai du mal à dire, c'est ça qui corrompt les habitants. Parce que, ouais, ça me paraît plutôt, de manière terre-à-terre, ça me paraît totalement explicable qu'un petit vieux qui a pas l'air de tenir bien sur ses jambes, quand il voit trois racailles plutôt solides agresser une jeune fille, bah, moralement, c'est critiquable, mais, bah oui, il recule. Contrairement à ce chat qui saute. Ouais. C'est enfin ça Beverly en tire la déduction en étant adulte que c'est forcément un truc magique de Gripsou, mais pour moi non, c'est une réaction qui, dans la vraie vie, serait celle d'un petit vieux dans cette situation. Et bah du coup le retour de ça dans les années 80, enfin dans la deuxième temporalité, passe par la mort d'une petite fille au tout début, qui est la première scène du téléfilm, plutôt que par l'agression homophobe du roman et du film de Muschietti. Or, je trouve que cette scène avait l'importance de replacer ça dans quelque chose de très terre-à-terre et de très adulte. Je trouvais cette scène, peut-être pas la reprendre telle quelle, mais je trouve que garder le sous-texte plus social, même de manière très discrète, parce que je pense pas que ça aurait pris un temps énorme, aurait pu être une bonne idée. Donc voilà, oui. vraiment pas un bon souvenir pour moi. Ce que je reproche surtout à cette adaptation, c'est que il n'y a pas de réelle confrontation entre Pennywise et les gamins. En tant qu'adulte, il y a quelques confrontations. Oui, encore. Et encore, pas énormément. Mais il n'y a pas de moment où je sens une véritable menace. Bah oui, vu qu'à chaque fois, j'ai l'impression que Pennywise vient juste leur faire coucou et se retire. Il n'y a aucun moment où il les met, quasiment aucun moment en tout cas, il les met en danger de mort. Et pour moi, ce qui est symbolique de ça, c'est par exemple la scène des douches, c'est avec Ben. Ouais, les douches. Oui. Et oui, il y a les tuyaux qui s'allongent et qui aspergent l'eau dessus, mais ça n'a pas l'air d'être de l'eau à particulièrement haute pression, ce qui pourrait faire mal. Ça n'a pas l'air d'être de l'eau bouillante, ce qui pourrait être dangereux. C'est juste de l'eau, donc... Oui, c'est embêtant, et oui, ça fait peur de voir des tuyaux de douche quand il y est. Je pense que ça fait peur de voir des tuyaux de douche se rallonger tout seul, mais c'est pas une mise en danger particulière. Mmh. C'est là que ça m'a fait penser à la scène identique dans Freddy 2, où il y a un personnage qui est ébouillanté, qui se fait fouetter le cul dans la douche. Une très bonne scène de Freddy 2. Alors c'est pas Ben, c'est Stan. C'est Eddie. C'est Eddie. C'est Eddie. Ouais. Parce que justement, il va pas aux douches. Parce que sa mère veut pas être pour les micros. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. C'est Eddie. Mais voilà, c'est, à aucun moment la menace Pennywise n'a retenti, alors qu'elle est présente de la première à la dernière page dans le roman. Bah oui, parce que. Mais en plus, on voit Pennywise tuer Georgie, ça on le voit, mais. Oui. Et la petite fille au début, mais c'est vrai qu'avec les personnages principaux, il est très soft. Bah il les taquine, vraiment, il joue. Ouais. Alors qu'il attaque dans les romans. Bah c'est un tueur hein, dans les romans. Voilà. Dans les romans, il joue au début, mais toujours le moment où il passe à l'action. Quoi. Mm-hmm. Ce qui manque aussi à l'adaptation qui a été coupée pour faute de temps, c'est que dans les romans, Les gamins sont agressés pour deux raisons. Déjà, parce que c'est des enfants et que ça se nourrit de leur peur et des enfants. Parce que la peur des enfants. Et les peurs sont très nettement personnalisées. Alors, elles le sont un peu aussi dans le téléfilm, mais je trouve ça moins bien amené, les parallèles. Donc, des fois, j'ai du mal à ressentir ça. Et surtout, dans le roman, il va finir par les attaquer parce qu'ils se constituent en groupe et parce qu'ils veulent s'attaquer à lui. Et parce qu'il sent que... là, ça vient très très tard, la volonté de s'attaquer à ça. En fait, dans le roman, on comprend pas pourquoi il les cible particulièrement eux, je trouve, dans le téléfilm. Oui, alors que dans le roman, c'est très clair, il les cible parce qu'il sent que ça devient une menace pour lui. Oui, parce que Bill est très vite dans la volonté de se venger, quand même. Ils sentent assez vite qu'il y a un truc qui va pas avec la ville, il y a Mike qui fait ses recherches, voilà, ils s'organisent, il y a très vite des trucs dans le roman. Donc ouais, la menace de ça ne marche pas. Et c'est un peu embêtant. Bah, oui, quand, c'est le titre du téléfilm, c'est la menace principale. Et oui, que c'est ton antagoniste principal, oui, clairement. C'est ça. Surtout que bah, je pense que c'est une question de censure, hein. Ils ne pouvaient pas montrer des situations très tendues. Parce que ça reste un téléfilm, forcément. C'est embêtant. Bon, après, j'ai noté quelques effets de montage, les effets au flou que je trouve très kitsch, mais bon, ça, admettons, c'était l'époque. C'était l'époque. Ouais, c'est ça. Un effet que j'aime bien, moi, c'est quand on regarde la photographie qui s'anime. Qui est la photo de Georgie qui fait un clin d'œil ou... Non. Ça, je trouve que ça marche. Effectivement. L'effet marche bien, mais moi je te parle de la photo qui est où t'as l'arrivée du cirque et donc t'as Pennywise qui saute partout. Et ça, j'ai été un peu moins convaincu par le montage. Mm-hmm. Parce que ça passe à la couleur, c'est une mauvaise idée, je trouve. Les photos. La photo aurait dû rester en noir et blanc, je trouve, et là ça aurait pu marcher. Là, j'ai pas été convaincu tel quel. D'accord. Et l'effet, je trouve, fonctionne bien. Oui, non, mais je vois. Avec la main qui surgit et tout. Une des bonnes idées que j'ai trouvées mais qui ne sera pas gardée, c'est que tous les personnages aient un flash très rapide au moment où Mike dit son nom au téléphone, les premiers souvenirs qui reviennent, mais ça ne sera pas gardé pour tous, alors que je trouvais que c'était une bonne idée, ça, d'espèce de ma flash un peu PTSD. C'est ça. C'est dommage que ça ne soit pas conservé. Ce chat est beaucoup trop mouillé. J'ai pas compris dans un truc où il y a déjà beaucoup de backstory à ajouter que ça ajoute une backstory à Ben. Avec son père. Son père militaire. Ouais. Pourquoi ? Pourquoi pas, mais il y a déjà tellement de trucs supprimés que. Non, et surtout c'est pas logique. Parce que plus tard on te dit. Ripsou apparaît sous des trucs qui vous font peur. Bah oui, mais en l'occurrence Ben n'a pas peur de son père. Oui, c'est ça. Après, ça aurait pu être la peur de voir son père mort. Oui, peut-être. À la limite. Mais... Je crois que c'est surtout sur ça que ça veut jouer. Mais... Ça fait partie des premières apparitions de Pennywise dans le film. Et pour le coup, le plan marche parce que le décor est joli à ce moment-là. Il est joli et j'aime bien le fait que, tu sais, on le voit, on remet la caméra sur Ben, on retourne sur le père et en fait, il y a des éléments... du costume de Pennywise qui commence à apparaître, je trouve que l'idée est plutôt pas mal. Ouais, ça c'est une des apparitions qui marche bien. Au début il a les ballons, puis après c'est les pompons qui apparaissent. Je trouve que... Puis il a un aspect très figé, le père, qui fait que tu sens qu'il est malsain. Bah ouais, puis du coup avec le décor et tout, ça fait très fantomatique. Ouais. Donc ouais, ça marche bien. Bon après, le squelette qui surgit de l'eau lui-même est pas dégueulasse, il est pas trop mal fait. Mais bon... Pourquoi, quoi ? Moi, je suis un squelette, je suis moins convaincu. Bah, mon vrai problème, c'est que ça fait un effet boue. Oui. C'est tout. C'est pas une menace. Vous, je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez toujours eu le plus peur. Non. Si. Stan. Non. Si. Non. Si. Si. Non. Si. Si. Si. Si. Je voulais pas le voir. Te laisse pas aller. Tu l'as vu comme nous. Je voulais pas le voir. Mais tu l'as vu, Stan. Oui. D'accord. Si c'est ce que vous voulez. Oui. Oui. C'est ça que nous voulons, grand crétin. Qu'est-ce qu'on va faire ? Faire ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Moi, ce que je veux, c'est oublier tout ça. Il n'y a pas que nous. Il y a tous les autres enfants aussi, comme Pema Daniels qui était dans ma classe. Qui sera le prochain ? Bev a raison, il faut faire quelque chose. Mais il faut en parler à quelqu'un. Mais les autres ne voient pas ce qu'on voit. Pourquoi ? Quand on est adulte, on ne croit plus en rien. Ils vont se moquer de nous et nous faire enfermer à l'asile. Ça tue les enfants, c'est dingue. Il faut qu'on fasse quelque chose. Aidez-moi. Tu as tué mon petit frère Georgie ! Montre-toi ! Montre-toi ! Ça a peur de nous, vous savez ? Oui, c'est vrai, je le sens, je vous jure que je le sens. Je vais tuer ça. Aidez-moi. Après, bon, un problème qui était déjà un peu dans la version Mushetti, mais qui est encore plus là, c'est que tout va à toute allure. Et donc l'amitié entre les enfants, je trouve qu'elle se... Par exemple, des trucs comme la construction du barrage, ça prend 10 secondes. Et temporellement, ça marche pas très bien, ça, j'arrive pas à prendre. Je trouve que c'est mieux fait à l'âge adulte, en fait. La scène du restaurant, ils se retrouvent, retrouvailles, je trouve que c'est mieux fait. Même si je trouve que même dans la deuxième partie, ils mettent trop longtemps à se réunir, elle est longue à démarrer, la deuxième partie. C'est... Ah oui, parce que la scène du resto, c'est au bout de peut-être 20-30 minutes. Ça met du temps, hein. Et en plus, ils remettent des flashbacks dans la deuxième partie. Oui. Ils font comme le Mushetti, et on avait déjà dit que c'était une connerie dans le Mushetti, et j'en ai toujours une là. Oui, t'en faire un film en... l'époque en France, c'est un film à l'époque adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Si, tu mets les... En fait, le seul moment où tu mets les adultes, c'est pour les appels téléphoniques. Ouais. Dans la première partie, c'est tout. Oui. Et c'est parce qu'ils ont voulu reprendre, je pense, le... La structure un peu La structure du roman, mais ça, ça marche dans un roman de 1200 pages. Oui, voilà, c'est ça. Dans un film aussi long qu'il soit, ça fonctionne moins bien, quoi. Et encore heureux que ça dure pas la durée des films de Mucchetti, parce que... Ah oui, là, ça aurait été, vraiment compliqué. Ah, petite connerie d'adaptation que j'avais notée. Il y a le poème de Ben à Bev qui est repris. Dans le poème, il dit « Your hair is winter fire », tes cheveux sont un feu d'hiver. Oui, ça marche quand elle est rousse, les vernis. Oui. Là, elle est brune. Non. Il fallait trouver une autre métaphore. C'est très bizarre. Ils ont pas du tout une couleur de feu, ces cheveux. Enfin... Je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. C'est débile. Tu vois, on en parlait à l'épisode précédent pour 1922. Là, je trouve par contre que la narration de Mike passe mieux. Elle passe mieux, mais elle aurait été dispensable quand même. Elle est moins appuyée. Oui, parce qu'elle n'est pas si souvent là que ça au final. Voilà. Mais on aurait pu s'en passer tout de même. On n'a pas trop parlé de la bande à Brewers. Donc les ados qui bullient les autres. Bon, ça fait très cliché, forcément. Ouais. Ça fait limite trop cliché. Après, c'est des personnages fétiches de Shaking, hein. Oui, mais... comme beaucoup de trucs, ils sont un peu sacrifiés, donc on les voit pas assez pour qu'ils soient approfondis. Clairement. Limite, la scène où ils sont le plus menaçants, en fait, c'est avec Beverly, justement, où... On sent que ça pourrait tourner vers quelque chose de très glauque. Ah, avec Ben, quand il veut lui taillader le ventre... Je trouve la scène trop rapide pour fonctionner ici. C'est-à-dire trop rapide? Elle passe trop vite, ça n'a pas le temps de s'installer. D'accord. Encore ça va, je pense. Je trouve que la menace est là, quand même. Moi je suis pas fan de ce moment-là. Enfin, c'est pas nul, hein, mais il y a un manque d'ambiance. Plus que le coup du pétard dans Falzar. Pour en prendre l'extraordinaire VF. Qui n'est pas aidé par la photo, qui est à quelques scènes près. Par exemple, dans la maison ou dans les égouts, je trouve qu'il y a des idées, mais en général, la photo, elle est quand même méga plate. Ah oui, mais elle est toute plate, elle n'a rien d'original. Il y a quelques plans qui fonctionnent bien avec la photo dans les égouts. Les passages où tu as tout le monde qui est entoilé. Ouais. Là, il y a un beau plan. Et puis même, dans les égouts, il y a plusieurs bonnes idées de plans, globalement. On y reviendra. J'aime beaucoup la lumière morte. Oui. Qui parcourt le tuyau. Ouais. Et qui éclaire au fur et à mesure de son avancée. Ouais, c'est ça. C'est très joli. Et même le plan subjectif de ça qui avance, c'est une très bonne idée. Surtout qu'il arrive dans le montage de manière un peu imprévisible, sans rien n'est annoncé, donc il est efficace. Alors j'aime pas et j'aime bien, parce que ça mélange un moment un truc qui est dégueulasse visuellement, et ensuite ça arrive sur un truc que je trouve sympathique. Quand le pote à Bowers, là, il se fait aspirer, ouais. L'effet est dégueulasse, quand il est debout, là, oui. Il se fait aspirer, ça, c'est dégueulasse, mais après quand il rentre dans le tuyau en étant courbé, oui. Je trouve que l'effet rend bien. Oui, c'est dommage, encore une fois, j'ai noté la même chose, il y a un effet de cassure qui fait que ça marche pas totalement alors que ça aurait pu. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que là, il y avait une idée, mais elle n'est pas tellement bien exploitée. Peut-être par manque de budget. Hein. Et pareil, je trouve que c'est bien rendu la peur de Bowers qui a les cheveux blancs d'un coup. Avec la... Ah ouais, je trouve que la caméra qui tourne autour de son visage comme ça, je trouve que c'est plutôt bien. Alors le plan, pourquoi pas, mais Bowers avec les cheveux blancs, moi j'avais l'impression que c'est... Alors attends, je te dis. Moi je te parle du plan en l'occurrence. Alors je note ce que j'ai noté au moment là. À ce moment là, j'ai mis Hola Henry avec les cheveux blancs, on dirait juste qu'il vient d'entrer dans un groupe de power metal japonais. Voilà. Moi je te parle vraiment du plan, du mouvement. Oui, le plan, pourquoi pas, oui. Ce qui est bien, alors c'est dans la deuxième partie, mais dans le final, l'idée que je trouve bonne, c'est ce qu'il y a avec le petit bateau de Georgie, qui d'abord vient vers eux comme une menace, comme un rappel de Georgie, et qui justement après va être ce qui leur indique le chemin, parce qu'ils ont réussi à contrôler leur peur. Ça, je trouve que symboliquement, c'est une plutôt jolie idée. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est là où les meilleures idées sont, c'est la scène des égouts. Oui. C'est marrant parce que c'est pareil avec le Mujizi. La deuxième partie, ouais. Du Mujizi, les meilleures scènes sont les égouts, quoi. Des fois, je trouve qu'il manque d'effets sonores aussi. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais il y a des moments où il y a des effets spéciaux et des mouvements qui auraient pu marcher si à ce moment-là il y avait eu un peu plus d'effets sonores pour renforcer le dynamisme. Bah, typiquement, la scène du loup-garou, pas vraiment. Ouais. Oui, par exemple. Le loup-garou lui-même n'a pas de hurlement ou quoi. Et même la première disparition de ça à la fin de la première partie, quand il s'évade, ouais. Il manque un truc sonorement pour que ça ait du relief. Mais oui, d'accord. Il y a des scènes... Mais alors, moi, du coup, il y a des scènes qui en souffrent, en fait. Qui deviennent ridicules à cause de ça. Tu songes auquel, par exemple, à part le loup-garou, ouais. Par exemple, la scène de... Alors, comment il s'appelle? C'est... Le passionné d'oiseaux, c'est Stan. Ouais. Qui, du coup, fait face à la momie qui est dégueulasse visuellement. On dirait un mec entouré dans du PQ. C'est vraiment raté. Et puis, c'était peut-être ça. Hein. Et puis il descend, vous avez les escaliers, et puis l'autre il lui tend, comme dans le roman pour le coup, c'est repris. Il tend son livre en disant des mots d'oiseau. Oui. Je trouve ça, la scène rend mal, quoi. Oui, bah d'autant plus qu'il y a une narration de Bill, je crois, à ce moment-là, qui explique vraiment on n'entre pas du tout dedans. Ça. Parce que du coup, c'est lui qui explique comment Stan a rencontré ça pour la première fois. Ouais. Globalement, bah ça fait partie, c'est repris au roman, hein, le coup des noms d'oiseaux. Le souci, c'est que, comme beaucoup de préparations de paiement de l'œuvre, comme ils ont dû tout raccourcir, il y en a très très peu qui marchent, les préparations de paiement. Tout semble sortir un parce peu de nulle part. Roman, c'est tellement bien amené. Même Silver, quand il la retrouve dans la deuxième partie, Silver, on a dû avoir 2-3 secondes dans la première partie, on n'avait pas l'impression que c'était un vélo important. Ce qui du coup c'est quand même déjà mieux que Mucchetti, où il n'apparaît qu'à la toute fin. Ouais, Silver, effectivement, oui. Silver est très mal géré dans les deux parties, après peut-être qu'on s'en foutait aussi. Oui, aussi. Mais alors que oui, dans le roman, Stan qui rencontre pour la première fois ça, c'est peut-être l'une des rencontres les plus effrayantes. Hein. Ouais, la rencontre oiseau, la rencontre momie, elle marche, ouais. Il y a celle de Mike aussi, normalement, qui est très efficace avec l'oiseau géant. Oui. Bon, celle-là, ok, elle est quasiment inadaptable, oui. Sans un très bon budget. Là, tu la vois pas du tout. Là, je comprends. En choix d'adaptation, qui t'a gagné du temps que j'ai pas compris, c'est justement la présence du perso d'Audra dans la deuxième partie. Qui n'apporte rien. Parce que, comme elle n'a pas été développée, on n'a pas l'attachement que Bill peut avoir pour elle, donc on s'en fiche. Au final, ça aurait peut-être été supprimable et de recréer la même chose plus avec les personnages du groupe. Mais pour le coup, ça aurait été plus logique en fait. Audra, tu t'en débarrasses et tu crées une nouvelle menace avec le mari de. Bah, ça aurait été une. Oui, qui t'a fait revenir quelqu'un, je trouve que le mari de Beverly aurait été plus cohérent. Ça aurait été une bien meilleure. Alors, ça aurait peut-être créé beaucoup de menaces parce qu'il y aurait eu Bowers, lui et Pennywise, mais disons que ça aurait créé une menace terre à terre et palpable. Oui. Il aurait peut-être fallu jouer sur d'autres trucs à la fin, ça on est d'accord, de toute façon. Donc là, tel qu'ils l'ont fait, ça marche pas. C'est ça. Il y a la scène de la tête de Stan dans le frigo, que je trouve plutôt bien. Oui, fonctionne bien. Mais globalement, en fait, j'ai été... c'est con pour moi, parce que j'ai trouvé que l'acteur de Stan, c'était le meilleur. C'est quand je l'ai vu apparaître à la fin de la première partie, je me suis dit, ah mince, il joue bien, lui, c'est dommage. D'autant que, pour le coup, bonne idée de mise en scène, il en parle dans le making-of, la maison de Stan, les objets sont un peu bizarres, un peu déformés. Ouais. Et c'est volontaire pour montrer que bah, lui, dès le début, il y a un truc qui va pas et que c'est celui qui va pas revenir. Ouais. Stan. Oui, et t'as la scène, ce que tu viens de me dire m'a fait penser à la scène justement où il va prendre son bain. Et oui. Tu le vois monter les escaliers et en fait, dans les premiers plans, t'as une espèce de, je sais pas si c'est une espèce de vase ou un objet, mais qui a des courbes très étranges. Ouais. Et vraiment, devant ce plan-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est ouais. Quoi? Quelle est l'utilité de cette chose? Bah, aucune, à part créer un effet étrange, et du coup, c'est une bonne idée. Pour le coup, c'est réussi. Mmh. Enfin, c'est une scène qui marchait bien dans le roman. Alors là, du coup, ça marche bien dans le roman, parce que t'as la pensée de sa femme et tout, qui t'explique, tiens, c'est bizarre, d'habitude, quand il va prendre son bain, il prend le temps de prendre une bière, et tout là, il l'a pas fait, et c'est pour ça ouais. Qu'elle commence à s'inquiéter. Bon, tu perds ça, forcément, dans l'adaptation, mais je trouve que sa réaction face à l'horreur qu'elle trouve dans la baignoire, parce que du coup, bah, Stan se suicide à ce moment-là, mm-hmm. le rend plutôt bien. Alors du coup, oui. C'est dommage parce que t'as un effet de ralenti dégueulasse sur son visage. Tous les effets de ralenti sont dégueulasses. Hein, c'est typique ouais. De ces années-là, mais bah, c'est nul, quoi. Mais mm-hmm. Bon, tant pis, c'est l'époque qui veut ça. C'est un bon moyen choc de finir la première partie. Oui. Je trouve. Oui, clairement. La deuxième aurait dû, je pense, commencer directement avec la scène au resto. Oui, et pas tourner autour et faire tourner tout autour de ça, en fait, de cette première scène, de retrouvailles, les difficultés qu'il y a, les souvenirs qui reviennent petit à petit. Ouais. Je pense que ça aurait été la bonne structure. Mmh. Surtout que je trouve qu'il y a une bonne idée de réalisation dans cette scène, c'est que pendant tout le passage où ils discutent entre eux, où ils se retrouvent vraiment, il y a beaucoup de travelling, ça n'arrête pas de tourner autour d'eux. Et dès qu'ils vont recommencer à parler de ça, à aborder le sujet, les plans vont se figer. Ouais. Et je trouve que là, il y a quelque chose qui marche niveau mise en scène, et que si cette scène, elle avait duré, mais qu'elle avait vraiment duré un bon moment, c'est une scène qu'il fallait faire s'éterniser, je pense, pour le coup, elle aurait pu être très puissante, hein, celle-là. Alors, dans les notes super intéressantes que j'ai notées, je trouve que Ben, dans sa version adulte, il a la même coupe et la même barbe que Chuck Norris, période Walker Texas Ranger. C'est vrai. C'est pas de la faute de l'adaptation, mais ça m'a déconcentré tout du long. Voilà. Un peu jeune pour toi, Richie. Bip, bip, Richie. J'ai rien entendu. Rien du tout. Je vous demande pardon. Viens là-haut, Richie. J'ai un ballon. Pour toi. Tu veux un ballon? Qu'est-ce qui se passe? Un seul ballon ne te suffit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, monsieur? Tes associés t'attendent avant que la nuit ne soit tombée. Tu es trop vieux pour me combattre. Vous êtes tous trop vieux. Dites à Mike Hanlon si vous le voyez que... Monsieur, auriez-vous du prince Albert en boîte? Vous en avez? Oh, vous deviez laisser le pauvre gars sortir. Dites à Mike Hanlon que j'ai dû partir, que je suis allé me rafraîchir. Dites-le-lui. Dites-le-lui. Dites à Mike que je le retrouverai ce soir. Folcran. Dernière chance, Rosier. Folcran. Folcran. Folcran. Excusez-moi, madame. Est-ce que votre réfrigérateur marche? Il marche. Alors vous feriez bien de le rattraper avant qu'il aille trop loin. On a déjà donné l'avis donc, un peu de l'équipe sur la fin, autant donner le nôtre, mais je pense qu'on va être relativement d'accord avec eux. Elle est pas ouf. Elle traîne en longueur sur l'affrontement. Ouais. Et sur la conclusion, elle est très expéditive. Encore une fois, oui, il faut se décider. Et encore, l'affrontement, il y a... Enfin, j'ai vraiment l'impression que quand il dissèque la créature, ça va ultra vite. Ah oui. Ouais. C'est... Quand il... Pour l'achever, tu veux dire. Le souci, c'est que l'araignée, je sais pas si c'est la meilleure idée du roman, enfin, c'est clairement pas la meilleure idée du roman, mais dans le roman, elle est équilibrée par tout le duel psychologique. C'est vrai que quand il reste que l'araignée, c'est très plat. Oui. Là, le rituel de Chud n'est pas là. Ouais. On perd beaucoup, quoi. On retrouve l'inhalateur, des trucs comme ça, oui. Mais c'est pas très... Pas très efficace. C'est ça, c'est pas bien passionnant. Et puis oui, tout le passage où il l'achève, bah du coup, censure oblige à cause du format, bah... tu vois rien, quoi. Ouais, ça fait plateau de crustacés... c'est que des primaires, mais ça va c'est pas vrai que plus loin. Sur la fin, ça fait plus un gros homard dégueulasse ouais, qu'un voilà. Cul d'araignée. Et puis tu sais, il soulève un truc là en haut, en l'air. Bah, tu vois pas trop ce que c'est, l'ombre, elle est... tu distingues pas trop. C'est très bizarre. Ils auraient dû opter pour l'idée qu'avait. J'ai oublié son nom. De faire le premier scénariste, Larry Cohen. Larry Cohen. Du coup, de faire une forme un peu plus abstraite. C'est ça, en fait, qu'il aurait fallu faire. Oui, c'est de trouver un truc autour des changements de forme, etc. En fait, il aurait fallu faire une créature Lovecraftienne, comme ce que, normalement, ça est dans le roman. Oui. Voilà. C'est une idée de créature, on ne sait pas vraiment ce que c'est dans le roman, sa vraie forme. Oui, au final, on sait que l'araignée, c'est probablement pas la vraie forme. C'est ce qui s'en approche le plus. Là, ça, il y a un côté trop concret. Voilà. Mais donc, oui, c'est l'affrontement est longuet, et puis après, ça expédie. Et puis, dans l'affrontement même, il y a un passage qui est très ridicule. C'est Billy va, il fixe la lumière, oh, il s'arrête. Oui. Ben, il y va, il veut, Et après, il y en a un autre qui va, La mort d'Eddie, elle est pas ouf non plus. Encore une fois, en partie à cause de la censure, mais il n'y a vraiment aucune marque apparente sur son corps. Oui. Tu mets pourquoi t'es mort. C'est ça. Comment t'es mort. Comment t'es mort, j'ai pas compris. Tu t'es foulé la cheville, qu'est-ce qui se passe. Il s'est foulé la cheville à mort. Il s'est mortellement tordu la cheville. Oh, il en est mort, le pauvre. Non, mais oui, ça... La violence, enfin... Pour le coup, c'est l'absence de violence, quoi. C'est dommage. Parce que tu perds beaucoup. L'autre scène que j'ai trouvée très décevante, alors qu'elle est plutôt réussie dans la version Mouchetti, dans mon souvenir, c'est à la fin de la première partie, quand ils font leur serment, justement, avec le sang, le serment de sang. Comme ça passe à toute allure, ça marche pas très bien. Oui. Très expédié. Tous les moments qui sont censés être émouvants, et c'est pour ça que je pense que j'ai une préférence pour la version Mouchetti, parce que dans l'horreur, je trouve aucune des deux versions folle. Les moments émouvants, je les préfère dans la version Mouchetti. L'aspect drame est beaucoup mieux chez Mouchetti. Et même si Gripsou est mieux dans la version 90, au final, il n'y a aucune scène qui me semble aussi marquante que l'est la scène de la petite fille avec la tache de naissance dans le deuxième film de Mouchetti, qui, pour le coup, dans un film très chiant, est une vraiment bonne scène, je trouve. Oui, on est d'accord. Donc moi, comparaison, on verra ça, mais ouais. Je vais avoir du mal à défendre. Hein. Disons que le problème, c'est que ce qui fonctionne chez l'un ne fonctionne pas chez l'autre, mais sur ça. Alors après, il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Oui, dans l'un ou l'autre. Ouais. Mais force est de constater qu'il y a quand même des trucs qui fonctionnent chez Mouchetti, ça ne fonctionne pas chez Tommy Lee Wallace, et vice versa. Et il y a des trucs qui fonctionnent chez aucun des deux, donc voilà. Ça c'est cohérent. C'est limite. Limite, je préfère regarder ni l'un ni l'autre en fait. Oui, au choix, je préfère pas le regarder non plus. Les deux sont limite égaux, allez. Peut-être oui, une préférence pour la version Mouchetti, parce que au moins, t'as une plutôt jolie photo chez Mouchetti. La photo est magnifique chez Mouchetti. Voilà, rien que ça par contre. Et il y a des scènes vraiment réussies, genre la scène du lépreux, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure, la maison du lépreux. C'est comme ça que je voulais la définir, la maison. Mais bon, bref. Voilà. Je pense qu'on a déjà pas mal donné nos avis et qu'on va peut-être pouvoir passer à une scène. Oui, à moins que c'est des avis qui viennent. Là, moi, j'ai rien qui me vient. Peut-être après la scène avec le Russell, le comparatif, on verra. Très bien, bah alors allons-y. Très bien, donc nous allons lire une scène. Évidemment, on pense toujours à la même scène hein, quand on parle de ça, c'est celle de Georgie, mais on l'a déjà faite. Oui. Premier, donc à part faire ça, on a cherché une autre scène. Et nous avons choisi une scène de la période adulte, quand Mike a commencé à battre le rappel des autres. Que ça, c'est que bah, ils vont revenir l'affronter et que donc lui aussi va tenter de se trouver des troupes pour aider dans le combat. Et donc il va aller chercher Henry Bowers qui, suite au précédent affrontement contre ça, est dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a été totalement traumatisé par ça. Il a tué ses parents, enfin il a tué son père. Et surtout, il a été reconnu coupable des meurtres d'enfants commis par ça. Oui, aussi en plus. Donc, nous lisons l'édition Livre de Poche, une très belle édition, d'ailleurs, une couverture un peu spéciale. Mais c'est une édition qui est ressortie pour la sortie du film de Muccetti. D'accord, bah, elle est très jolie. En deux tomes, alors qu'avant c'était en trois tomes, ça, chez nous. Il y avait déjà eu des éditions en deux tomes avant. Ah, il y avait en déjà trois une tomes. Édition en deux tomes. Trois tomes, c'est vraiment les vieilles de J'ai lu, ouais. C'était chez J'ai lu, c'est ouais. Ça. Édition trois tomes. Avec des très belles couvertures pour certaines, pour le coup, les éditions. De chez J'ai lu, ouais. Ouais. Très horrifique, hein, par contre, en hollandais. Oui. Tu sais vraiment ce que tu vas lire. Ouais, voilà. La traduction est de William Olivier Desmond. Nous sommes dans le tome 1, à la page 758. Autrement dire, à la toute fin. Du tome 1, oui. Henry Bowers était étendu, réveillé. La lune s'était couchée et il en ressentait un immense sentiment de gratitude. Elle était moins fantomatique la nuit, plus réelle, et s'il avait dû revoir cette abominable tête de clown dans le ciel, voguant sur les collines, les champs et les bois, il se disait qu'il en serait mort d'épouvante. Il était étendu sur le côté, sans quitter des yeux sa veilleuse. Donald Duck avait fini par claquer. Il avait été remplacé par Mickey Mouse, lequel avait été remplacé par Oscar de Sesame Street, lequel avait cédé la place, l'année précédente, à Fozzie-Bear. Henry mesurait son temps d'internement en termes de veilleuse claquée. À exactement 2h04 le matin du 30 mai, sa veilleuse s'éteignit. Un petit gémissement lui échappa, rien de plus. Cette nuit-là, Kuntz était de garde à la porte du pavillon bleu. Kuntz, le pire du lot, pire même que Fogarty, celui qui l'avait frappé tellement fort l'après-midi même qu'il avait du mal à tourner la tête. Autour de lui dormaient les autres détenus du pavillon. Benny Beaulieu, dans une camisole élastique. On l'avait malencontreusement autorisé à assister à une rediffusion de la Tour Infernale dans la salle de télé, après la séance de binage, et vers 6h, il avait commencé à s'agiter et à s'égosiller. « Try to set the night on fire! Try to set the night on fire! Try to set the night on fire !» sans la moindre interruption. On l'avait bourré de tranquillisants, ce qui l'avait calmé pendant 4 heures, après quoi il avait recommencé, retranquillisant et camisole de force. Maintenant, il dormait, son petit visage aussi grave dans la pénombre que celui d'Aristote. Des lits environnants provenaient des ronflements, légers ou bruyants, des grognements et, de temps en temps, des pets. Il entendait respirer Jimmy Dunlin. Même à 5 lits de là, on ne s'y trompait pas. Rapide, légèrement sifflante, sa respiration évoquait pour Bowers une machine à coudre. D'au-delà de la porte lui parvenait le son affaibli de la télé de Kuntz, qui regardait le dernier bulletin d'information sur Canal 38 en buvant de la bière pour accompagner ses sandwichs. Il aimait en particulier ceux au beurre de cacahuète, une couche épaisse, et aux oignons. En apprenant cela, Henry s'était dit que tous les fous n'étaient pas enfermés. Cette fois-ci, la voix n'arriva pas de la lune, mais d'en dessous du lit. Il la reconnut immédiatement, c'était celle de Victor Chris, qui avait eu la tête arrachée quelque part sous Derry, 27 ans auparavant. Arraché par le monstre à la Frankenstein. Henry avait assisté à la scène. Après quoi, les yeux du monstre étaient venus poser leur regard jaune et aqueux sur lui. Oui, le monstre à la Frankenstein avait tué Vic, puis le rôteur, mais Vic était de nouveau ici, comme une rediffusion fantomatique en noir et blanc des foutues années 50, quand le président était chauve et les buicks agrémentés d'espèces de sabords. Et maintenant que c'était arrivé, que les voix étaient revenues, Henry se rendit compte qu'il était calme et n'avait plus peur, qu'il était même soulagé. « Henry !» dit Victor. « Vic !» s'exclama Henry. « Qu'est-ce que tu fous là-dessous ?» Benny Beaulieu ronfla et grommela dans son sommeil. Le bruit nasal et net de machine à coudre de Jimmy s'interrompit quelques instants. De l'autre côté de la porte, le volume du son de la télé baissa et Henry imagina Kuntz, une main sur le bouton du Sony portatif, l'autre s'approchant du cylindre de pièces, l'oreille aux aguets. « Tu n'as pas besoin de parler à voix haute, Henry, » dit Vic. « Je peux t'entendre simplement si tu penses. Et eux ne peuvent pas du tout m'entendre. »« Qu'est-ce que tu veux, Vic ?» demanda Henry. La réponse tarda à venir. Henry pensa que Vic était peut-être parti. Derrière la porte, le volume du son de la télé remonta. Il y eut un bruit de frottement venant d'en dessous du lit. Les ressorts grincèrent légèrement et une ombre noire en sortit. Vic leva la tête vers lui et sourit. Henry lui rendit son sourire, mal à l'aise. Ces jours-ci, Vic ressemblait lui-même un peu au monstre de Frankenstein. Une cicatrice comme en ont les pendus lui entourait le cou. Henry se dit qu'on lui avait sans doute recousu la tête. Ses yeux avaient une couleur gris-vert étrange et leurs cornets paraissaient flotter sur une substance visqueuse et aqueuse. Vic avait toujours 12 ans. « Je veux la même chose que toi, » dit Vic. « Leur rendre la monnaie de leurs pièces ?»« Leur rendre la monnaie de leurs pièces ?» répéta rêveusement Henry. « Mais il faut sortir d'ici pour ça, » reprit Vic. « Il faut que tu retournes à Derry. J'ai besoin de toi, Henry. Nous avons tous besoin de toi. » « Ils ne peuvent pas te faire de mal, » fit Henry, comprenant qu'il ne parlait pas seulement à Vic. « Ils ne peuvent pas me faire de mal s'ils n'y croient qu'à moitié. Mais il y a eu quelques signes inquiétants, Henry. On ne les aurait jamais cru capables de nous battre, alors. Et pourtant, le gros plein de soupe t'a échappé dans les friches. Le gros, la grande gueule et la pute nous ont échappé une autre fois à la sortie du ciné. Et la bataille à coups de cailloux, quand ils ont sauvé le négro... « Parle pas de ça !» cria Henry à Vic. Et pendant un instant, il y eut dans son intonation toute la dureté péremptoire qui avait fait de lui leur chef. Puis il s'aplatit dans la crainte que Vic ne lui fît du mal. Il devait pouvoir faire ce qu'il voulait puisqu'il était un fantôme. Mais l'apparition se contenta de sourire. « Je peux m'en occuper s'il croit seulement à moitié, » dit-il. « Mais tu es vivant, toi. Qu'il croit complètement, à moitié ou pas du tout, tu peux les avoir. Un par un ou tous ensemble. Leur rendre la monnaie de leurs pièces. » « Leur rendre la monnaie de leur pièce, » répéta Henry. Puis il regarda de nouveau Vic d'un air dubitatif. « Mais je ne peux pas sortir d'ici, Vic. Il y a des barreaux aux fenêtres et Kuntz est de garde cette nuit. Kuntz, c'est le pire, la nuit prochaine, peut-être. »« T'en fais pas pour Kuntz, » dit Vic en se mettant debout. Henry s'aperçut qu'il portait toujours le jean qu'il avait ce jour-là, tout éclaboussé de la merde des égouts. « Kuntz, j'en fais mon affaire. » Vic tendit la main. Au bout de quelques instants, Henry la saisit. Tous deux s'avancèrent vers la porte. Ils y étaient presque lorsque Jimmy Dunlin, l'homme qui avait dévoré la cervelle de sa mère, s'éveilla. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'il vit le visiteur nocturne de Henry. C'était sa mère. Sa combinaison dépassait un peu, comme elle l'avait toujours fait. Il lui manquait le sommet du crâne. Ses yeux, horriblement rouges, se tournèrent vers lui et quand elle sourit, Jimmy vit les traces de rouge à lèvres qui avaient taché ses dents jaunes, comme toujours. Jimmy se mit à hurler. « Non, man ! Non, man ! Non, man !» La télé s'arrêta brusquement et la porte s'ouvrit en claquant avant que les autres aient eu le temps de bouger. « D'accord, Trouluc, » fit Kuntz, « prépare-toi à rattraper ta tête au rebond. J'en ai ma claque. »« Non, man ! Non, man ! Je t'en supplie, non, man !» Kuntz fonça. Il vit tout d'abord Bowers, grand, bedonnant et assez ridicule avec ses caleçons longs, ses chairs molles comme de la pâte à baigner dans la lumière qui arrivait du corridor. Puis il regarda plus à gauche et s'époumona en silence sur un cri en verre filé. À côté de Bowers se tenait une créature en costume de clown. Elle faisait bien 2,50 m de haut. De gros pompons orange couraient sur sa tenue argentée et il portait aux pieds des chaussures ridicules, beaucoup trop grandes. Mais sa tête n'était pas celle d'un homme ou d'un clown. C'était celle d'un Doberman, le seul animal de la Terre capable de faire peur à John Kuntz. Ses yeux étaient rouges et ses papines retroussées laissaient apparaître d'énormes crocs blancs. Le rouleau de pièces tomba des doigts sans force de Kuntz qui avala de l'air pour essayer de crier de nouveau, tandis que le clown se déplaçait pesamment vers lui. C'est l'heure de la parade ! Lança le clown d'une voix grondante, tandis que sa main gantée de blanc s'abattait sur l'épaule du conseiller. Si ce n'était qu'à l'intérieur du gant, la main donnait l'impression d'une patte. Voilà, et maintenant, la même scène dans le film. Henri ! En dessous, Henri ! Belge, qu'est-ce que tu fous là-dessous ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tu veux que je vienne te voir, Henri ? Non. C'est ça, repos. T'es pas obligé de parler à haute voix, Henri. Je t'entends quand tu fais que penser, et les autres m'entendent pas. Qu'est-ce que tu veux, Belge ? La même chose que toi, Henri. Je veux me venger. Me venger ? Il faudra que tu sortes d'ici. Faudra que tu reviennes à Derry. J'ai besoin de toi, Henri. On a tous besoin que tu nous aides. Ils pourront pas te faire de mal. On croyait pas qu'ils nous feraient du mal dans le temps, mais ils ont réussi. Tu t'en souviens ? Ils ont eu le dessus tout l'été. Ne parle pas de ça. Je peux m'en occuper, s'ils croient seulement à moitié. Mais toi, tu es encore en vie, Henri. Tu peux les avoir, qu'ils croient complètement ou qu'ils croient à moitié ou qu'ils croient pas du tout. Tous les uns après les autres, Henri. Les uns après les autres, je peux pas sortir d'ici, il y a des barreaux aux fenêtres et Kuhn, cette garde cette nuit, il est mauvais, Kuhn. C'est le pire. Je le hais. Je me charge de Kuhn, Henri. Guide-moi, Henri. Guide-moi. D'accord. Alors là, j'en ai ma claque de toi. Prépare-toi à rattraper ta tête hors bon. Oh. Bon, une grosse différence entre les deux, c'est évidemment que la scène du film est beaucoup plus courte. Le film doit gagner du temps surtout. Sinon, ça va, je trouve, cette scène. Au début, en tout cas. La fin, un peu moins. Bah, à la fin, le Doberman dans le costume, c'est un peu ridicule. En plus, on se retape cet effet de ralenti dégueulasse. Ils ont vraiment mis les ralentis sur les meilleurs moments à chaque fois. Au montage, ils ont fait les bons choix. Donc voilà, c'est un problème. Mais pour le coup, je trouve la scène pas trop mal dans le téléfilm. L'éclairage un peu naturel, comme ça, un peu pénombre de l'asile rend plutôt bien. Ouais. Même si je trouve que sur le décor de l'asile, pour le coup, c'est un de ceux où on sent le manque de budget, on a vraiment l'impression. Alors après, c'est les urgences modernes, ils sont tous entassés dans le couloir, mais je crois qu'à l'époque, ils avaient plus de budget. Et voilà, quand même. Je trouve la scène plutôt réussie, pour le coup, mis à part cet effet final et le visage de Pennywise sur la lune. Ça, on est d'accord, il n'est pas très réussi. Oui. Parce que moi, je me suis dit, c'est peut-être moi, parce que tout de suite, ça m'a rappelé, ça fait très présomptueux, mais un effet où j'avais mis Macron dans la lune dans un épisode de l'archiviste. Et du coup, c'était pas le moment de penser à Macron, même si c'est aussi une vision d'horreur. Effectivement. Mais sinon, oui, surtout qu'il joue pas trop mal, celui qui joue Henry. Oui, Henry adulte, ouais. Il a bien le côté, le mec vieillit prématurément, qui a l'air d'avoir 50 ans, alors que il n'en est pas tout à fait là, normalement, il devrait être plus en forme. Énormément, oui. Mais on sent que il a passé sa vie là, et donc ça lui a pas réussi. C'est dommage qu'après... Il réapparaît qu'une fois, en fait. Bon, après, dans le roman aussi, mais il réapparaît que pour Mike. Et... pour planter Mike, puis après, il se fait tuer. Et en film, ça marche pas très bien, je trouve. Parce que t'as pas... C'est le même problème que toutes les scènes du film, en fait. C'est que... l'attention ne s'installe jamais. Ouais. C'est-à-dire, Mike rentre dans sa chambre pour chercher... je pense qu'il cherche un pull ou quelque chose comme ça, il me semble. Il se rend compte que la fenêtre est ouverte, et tac, directement, Bowers attaque. Il a fait monter la tension. On n'a même pas le temps, enfin le film ne sous-entend même pas que peut-être quelqu'un s'est introduit dans la chambre. Ce que fait le roman, justement. Oui, et puis on le finit par. Et donc bah, l'invention n'a pas le temps de s'installer, c'est tout ce que je veux dire. Et puis dans le livre, on le voit aussi avancer petit à petit. Quand il s'évade de l'asile, on sait qu'il se planque. Il emprunte Christine, parce qu'il monte dans une Christine après. Donc il y a quelques trucs comme ça qui permettent de le voir avancer. Ça aurait été faisable par un montage alterné en plus, au niveau réalisation. C'est une technique qui a été découverte, je crois, depuis Eisenstein. Je crois. Normalement, ça va, il gérait Tommy Wallace. Ça aurait été peut-être le moment. Ah oui, c'est ça. Tu ne sens à aucun moment, tu ne t'inquiètes de quoi que ce soit. Mais pour le coup, Henri adulte, c'était aussi assez, assez mal exploité dans la version Mouchetti. Hein. On l'avait aussi déploré. Et pour le coup, je ne me souviens même pas, d'ailleurs. Ce que donne la scène où c'est son évasion, même. La scène de son évasion, je ne sais même plus si on la voit. Ouais, je sais plus. Là, l'évasion m'a pas marqué. Il ressurgit comme Après, il ressurgit dans la douche, tu sais, enfin, avec Eddie, je crois, qu'il essaie de planter dans la douche. Ah oui, exact. C'était pas très bien, ça. Oui. C'était même totalement ridicule. C'était même totalement nul. Oui. C'était nul à chier. C'était totalement ridicule, ouais. Mon souvenir. Maintenant, ça me revient en flash. Ouais, c'était. Mm. Ouais, donc peut-être que Henry adulte est un peu plus réussi. Chant de Mini Wallace aussi, à la réflexion. Voilà, tu vois. Donc, ouais. Par contre, ouais, le Doberman est pas réussi du tout. Alors, ce n'est pas Vincent Cassel, hein, le Doberman. Très bon film, cela dit en passant. Moi, je le déteste. Je l'avais pas vu, je l'ai vu l'autre jour, ça a été horrible. Tu n'avais jamais vu Doberman ? Non. Et vraiment, j'ai détesté. Un film de Kassovitz ? Non, de Yann Koulan. Ah oui, exact. Il me semblait que c'était Kassovitz. Ça ressemble tellement à du Kassovitz. Ouais, après, il y a le côté Yann Koulan de 99 francs. Ouais. Il y a un autre film que je déteste profondément. Que je n'ai pas vu, du coup. Ouais. 99 francs. C'est avec qui déjà ? Du Jardin. Du Jardin, oui, c'est ça. Un roman de... L'autre con... Bec BD. Bec BD. Qu'est-ce qui devient d'ailleurs Bec BD? Il a disparu dans la nature. Tant mieux, oui. Ce mais... Oui, c'est ça. Il me semble que... Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir si Bec BD fait encore des trucs Bref. C'est de Bec BD à Macron, à Mouchetti... En passant par le Doberman. Voilà, on n'est pas loin. Hein. On reste dans la sphère un peu horrifique. Hein. Mais ouais, le Doberman, il aurait fallu l'adapter autrement pour... parce que l'effet est compliqué à faire. De base, on le sent en lisant que ça a un côté un peu grotesque qui est très difficile à rendre. Fallait trouver une autre idée, peut-être. Ah oui, voilà, c'est ça, trouver juste une autre idée, en fait. Tout simplement. Mm-hmm. Ou juste foutre un vrai Doberman sans rien. Oui, dans limite, le couloir, c'est tout. Tu fais apparaître un vrai chien. À la limite, tu peux lui mettre des pompons. Un chien vrai, tu peux lui mettre des pompons dessus. Oui. Pour l'aspect clown. Pour l'aspect clown, ça serait... Je pense que ça rendrait quand même ridicule, mais moins que là. Bah, ça rendrait, je pense, grotesque, recevable. Oui. De faire comme ça. Enfin, voilà. C'est dans quel épisode de Freddy qu'à un moment t'as des chiens avec des têtes bizarres? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le 4. Oh, si tard. Moi, je voyais ça plutôt dans les premiers Freddy, vraiment dans les tout premiers. Ah ouais? Dans le 1 ou dans le 2? Mais tu vois la scène que je parle. Ouais, je vois la scène dont tu parles. Moi, je l'aurais mis en 4, mais... D'accord. Bref. C'est dans un de ceux où ça commence à devenir absurde, quand même. Maintenant, oui. On se souvient pas le 1. Mais, ouais. Je me demande si c'est pas le 3, plutôt. Possible, ça, ouais. C'est très bien le 3, mais bref. On n'est pas là pour parler de Freddy. Donc voilà, bah, je pense qu'on en a fini avec cette scène. Oui. Et on va pouvoir passer... Au classement. Alors, la liste des films, nous avons aux 5 premières places Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner. Et aux 5 dernières, à partir de la de la 57e, donc The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mist de Christian Thorpe, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc... Alors déjà, où est le ça de Muccietti? Le ça de Muccietti, il est entre Vengeance diabolique et, qu'on vient de classer la dernière fois, 1922. Oui. Donc il est à la 36e place. Voilà, parce que déjà on est d'accord que le Salut au milieu ne va pas au-dessus. Ouais. Enfin, ne va pas au-dessus du, de 1922. Mmh. Il va pas aller loin en dessous non plus, quand même. Non, quand même pas. Carrie de David Carson, c'est le téléfilm. Qui du coup est vraiment horrible. Pas tant que ça, je trouve. En bleu, c'est vraiment... En bleu, c'est vraiment pas ouf. Ah oui, c'est vraiment mauvais, quoi. Mais c'est court. Oui, non, mais... Bon. C'est moi, je le mettrais... Je le mettrais frontalier avec peur bleu, soit au-dessus, soit en dessous. Ouais. Mais je pense que le Karine David Carson, je le préfère, à titre personnel. Au-dessus ou en dessous de peur bleu. Parbleu a ça pour lui qu'il est drôle. Oui. Alors, c'est pas voulu, hein, mais au moins, c'est drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Voir un jeune handicapé sur un fauteuil roulant à moteur... C'est vrai que le fauteuil roulant à moteur, c'était une magnifique idée. Bah, disons. Puis ça. Il a cette réplique sur le... Il a cette réplique du gros... Du gros mec, du gros redneck, là. Ouais, les handicapés, ils nous volent nos allocs. Moi, je m'en remets pas de celle-là. J'ai envie de mettre peur bleue au-dessus, rien que pour ce grand moment de dialogue. Le loup-garou qui tue à coup de batte de baseball. Oui, il est nul, cet effet-là. Et t'as à la fin, il cherche les balles, alors qu'en fait, ça sert à rien. Pendant tout le truc. Ouais. Ouais. Peur bleue au-dessus. Peur bleue au-dessus ? Allez. Ça te va ? Ok. Donc, ça lui donne la... Du coup, peur bleue est 40e. Donc... Ça lui donne la 41e place. Et oui, comme tu dis, on va pas se faire que des amis avec cette histoire-là, je pense. Parce que je sais que c'est un truc qui est vraiment très apprécié par certains. Mais n'hésitez pas à en discuter. Hein. Voilà. N'hésitez pas à dire votre passion pour celui-là. Nous, on vous aime quand même. Hein. C'est pas la première fois, de toute façon, qu'on met assez bas un truc très apprécié. C'est vrai. Ou vice-versa, des fois. Oui, je crois que 1408 et No Smoking, c'est des trucs dont les gens n'ont pas grand-chose à faire. Mais No Smoking, surtout, je pense que personne pas, le connaît. Pas beaucoup de monde l'a vu. Voilà. Mais 1408, c'est pas un truc si apprécié que ça. Hein. Alors que c'est vachement Alors bien. C'est vachement bien. Dédicace à Punky. Ouais, ouais. Tu l'adores aussi, ouais. Ouais, je propose qu'on passe au tirage au sort. Et bah, passons au tirage au sort. Cette séquence qu'on attend tous les deux, en vrai. Allez, alors, c'est qui tire en premier ? Bah, la dernière fois, 1922, c'était qui ? C'était toi qui l'avais tiré, je crois, 1922. Ah ouais ? Ouais. Donc c'est à toi de tirer en premier, alors ? Ouais. Il y a encore un ou deux que je dois ajouter à la boîte. J'ai pas encore mis, je crois, le téléphone de Monsieur Ringan. Donc les plus récentes, il n'y a pas de chance qu'on les tire. Ouais. Mais... Voilà, j'ai un papier. Le chat observe attentivement le tirage. Ouais, s'il n'y a pas de triche. C'est notre huissier. Ah bah, ça va être bien. J'ai tiré Les Évadés de Frank Darabont, donc adapté de Rita Hayworth et La Rédemption de Shawshank. Donc le dernier Frank Darabont qu'on n'a pas encore oui. fait. Ça, on les aura tous faits. Ouais. The Mist et La Ligne Verte. Ouais. Ah, le chat. On sent qu'il a très envie de mettre sa patte là-dedans. Oui, c'est surtout ça, c'est en fait. Ça. Je te rends le chapeau. Qu'ai-je tiré ? Ah ! Un film qu'on a évoqué tout à l'heure, disant que justement, on ne l'avait pas encore fait. Et c'est marrant parce qu'on l'avait fait pareil avec Shawshank, Ouais. En off, on a dit qu'on n'avait pas encore tiré Shawshank, et ben on avait également dit qu'on n'a pas fait Creepshow 2. D'accord. Voilà. Donc, pendant un instant, j'ai eu peur que ce soit Shining et que ça nous fasse deux très gros morceaux pour la prochaine fois. Donc, Creepshow 2 de Michael Gornick. Oui. Et dont le sketch du segment adapté, c'est le. Le radeau. Le radeau, oui. Ouais. Et il est plutôt bien, Creepshow 2, dans mon souvenir. Voilà. Donc voilà. Creepshow 2, dont Romero a participé aussi dans le 2, je crois. Je crois qu'il est juste producteur sur le 2. Peut-être scénariste. Peut-être scénariste aussi, peut-être non, scénariste. Non, faudra qu'on vérifie ça. Attends, on vous le dira. Oui, dans voilà, on vous le dira dans 4 semaines, du coup, pour Creepshow 2. Une étape qui va être plutôt agréable, à mon avis, là, pour le coup. Mais pour les deux à venir. Les deux à venir, oui. Ça fait un an que j'ai pas vu les évader, mais il n'y a pas de raison que ça soit devenu mauvais entre temps. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de raison que la nouvelle soit devenue nulle aussi. Oui, aussi. Donc une nouvelle de différentes saisons. Oui, dans laquelle il y a Stand By Me. Et un élève doué, aussi, qui a été adapté et qu'on n'a pas encore fait. Et c'est quoi la quatrième? Il n'y a pas quatre nouvelles? Si, la dernière, c'est la méthode respiratoire qui n'est pas adaptée. Voilà. Voilà, et bien, c'est très bien tout ça. Vous pouvez nous retrouver en attendant sur les réseaux sociaux. @cinemaRGVis pour toi, @christ-6 The Lost Tales pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver dans notre autre podcast avec Necronomicore, même si le rythme étant plus irrégulier, on ne sait pas trop où ça en sera d'ici que ces épisodes-là sortent. C'est ça, la quatrième dimension. Ouais, la neuvième dimension. La neuvième, oui. C'est bien aussi la quatrième dimension, mais on n'est pas dedans. La neuvième dimension, qui traite du neuvième art, donc ouais, de la bande dessinée. C'est ça. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour parler des évadés et de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Donc de Creepshow 2 en général. Et de Creepshow 2 dans un mois. C'est dans un mois. Ah oui. Show, ouais. C'est d'abord les évadés. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est en grève, ouais, contre la réforme des retraites. Ouais, parce qu'on ne peut pas être encore à faire ça à 64 ans. Macron démission, Macron explosion. Tous à la rue, fait grève, casser des trucs. Voilà. Et à bientôt. Salut.